les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, un plaisir de vous retrouver encore une fois, chaque lundi, sur Radio Campus Montpellier. Nous sommes à cette émission 23 de cette saison 4. Là, on touche vraiment à la fin, là. C'est le sprint final. 33 23, j'ai oui. dit 23 Oui. Mais à coup le pas, on va quitter cette émission. émission 33, oui, donc de cette saison 4, le sprint final, dans de nombreux sports d'ailleurs, hein. Ça sera ce soir notamment le foot, hein, où c'est la course à l'Europe un peu partout dans les championnats européens, c'est la Champions League évidemment, c'est aussi le sprint final en NBA avec les playoffs, la Coupe d'Europe de rugby, c'était plus que le sprint final évidemment, puisque c'était la finale, ou les finales. Le tennis, c'est la saison de terre battue en ce moment. On parlera aussi d'autres sports, de nombreux autres sports, notamment de sport féminin un peu plus aujourd'hui. Le sport montpelliérain, MHR, MHSC, non pas MHR, MHSC, MWP, MRC et BLMA au programme aujourd'hui. Et surtout l'interview en deuxième partie d'émission à 19h52 exactement, où nous recevrons le kayak polo. Oui, pas sûr, hein, gars. Où nous recevrons le kayak polo aujourd'hui avec Olivier Nogues et Baptiste Cotta. On parlera donc de la discipline aussi de cette saison de kayak polo pour le club de Montpellier. Et puis on aura aussi le Enzo Time, hein, sa petite chronique, le quiz actualité, l'agenda, les tips comme d'habitude. Ça sera dans cette émission ce soir. D'ailleurs, mes chroniqueurs ce soir, bonsoir Romain qui est à ma droite avec une magnifique écharpe de Valladolid. Bien vu, effectivement. Ben, ravi d'être avec vous ce soir. Et puis, de bonne humeur sportive, on va le dire, même si des Anglais ont gagné la Coupe d'Europe. De bonne humeur sportive. Sachant que le Real Valladolid, effectivement, s'est maintenu en Liga. Et donc, pour l'occasion, j'ai mis cette belle écharpe, comme tu le dis. Bah, je l'ai un peu annoncé. Il y a Enzo aussi qui est parmi nous ce soir. Un petit retour, d'ailleurs. Un petit retour, ouais. Comment ça va? Ça fait plaisir. Heureux d'être là. Avec un beau maillot, lui aussi, évidemment. Et la France! Et brodé à son nom en plus. Eh oui, monsieur. Incroyable. On est supporter ou on ne l'est pas? Incroyable, ouais, c'est vrai. Oui. Là, un autre beau maillot, évidemment, hein, celui des Raptors, hein, Jules. Un peu vintage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais, j'étais obligé de le mettre après ouais, l'énorme match d'hier. Petit maillot vintage de Vince Carter. Et voilà, on connaît les vrais. Exact. Et le meneur des maillots ce soir, Guillaume, qui est resté basique, simple, hein, comme dirait l'autre. Et voilà, comment tu vas ce soir, Guillaume? Eh bien, ma foi, ça va, finaliste de Ligue des Champions. Oui, finaliste de Ligue des Champions, mais tu as une belle nouvelle surtout. Bah oui, bah je vais faire mon auto-promo. Non, je sors mon livre. À 16,90€, non. Non, oui, une belle semaine, une belle nouvelle ce matin, voilà. Une petite admissibilité, oui, on espère pas, le meilleur. On va pas savoir, non. Il est enceinte. En tout cas, on le souhaite. Voilà. Allez, sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et on va commencer par toi d'ailleurs, mon cher Guillaume, avec l'UEFA Champions League et l'Europa League. On a un bon petit 10 minutes à parler de ces deux compétitions européennes. Il m'avait demandé pourtant 35 minutes, hein, c'est dit. 35 minutes C'est oui. Bah, parce qu'on a quand même, de l'avis de tous, vécu la plus belle semaine européenne footballistique depuis un long, long moment. Pour moi, ça remonte... À 2012, depuis Montpellier. 2013 du coup. Non mais pas loin, mais peut-être en 2011 avec les demi-finales entre le Real et le Barça. Mais encore, c'était sur un match, une confrontation, c'est pas pareil. 2012, là, il y avait une belle année aussi avec Chelsea qui avait qui fait finale. C'est des grosses finales, ouais. Mais c'est pas dans la dramaturgie, c'était pas à ce point-là. Là, on a vu deux demi-finales absolument incroyables qui semblaient aller, au moins une qui semblait jouer après le match aller. Avec un gros avantage pour la deuxième, le but à l'extérieur de l'Ajax, et puis tout est devenu irrationnel. Liverpool, qui malgré l'absence de deux de ses tauliers, réussit à sortir un Barça. J'ai pas de mots pour le Barça. Sans odeur, sans saveur. C'est terrible de voir ce Messi livré à ce point à lui-même en fait. dans la plus grande des compétitions. Alors en championnat ça va parce que bah, le niveau moyen du Barça est suffisant pour être champion, mais alors en Coupe d'Europe il y a depuis quelques années de grandes faiblesses mentales, je trouve, dans ce club, pas qu'au niveau des joueurs, parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils sont à leur niveau, ils peuvent aller en finale largement, surtout en ayant gagné le match aller, mais mentalement ça fait, oui surtout, et mentalement ça fait 3-4 ans qu'ils prennent au moins une fois une tôle, quoi. Et deux remontadas. Ouais, ils prennent deux remontadas, Roma, ils prennent un 3-0, je crois, à la Juventus il y a, il y a 3 ans. Enfin, c'est pas une grande époque pour le Barça. Et puis, là, tout aussi inattendu, celle de l'Ajax. La remontada de Tottenham, malgré un retard de 3 buts, du coup, c'est la même remontada que Liverpool. Un retard de 3 buts, mais cette fois en une mi-temps. Là aussi, un peu irrationnel. On voit pas comment Tottenham, après la première mi-temps complètement ratée, je trouve, à part peut-être une occasion. Et un Ajax qui déroule, comme on l'a vu, en quart et en huitième. Et puis, irrationnel. Lucas qui plante un premier but un peu miraculeux. Un deuxième, très beau, un deuxième techniquement. Et le troisième à la 95e. Donc voilà, il y a tout eu dans ces deux matchs. Et voilà, je voulais vous demander si... Comme moi, vous avez vibré évidemment, mais c'est une de vos plus grosses émotions footballistiques récentes. À part, enfin, quand on n'est pas supporter. Ouais. Parce que sinon, on est champion du monde il y a 8 mois, quoi. Ouais, c'est sûr que devant sa télé, c'est toujours intéressant de voir des matchs comme ça. En plus, on commence à s'y habituer maintenant au remontada ces derniers temps. Là, on sait que même si tu gagnes à 3-0 à domicile, bientôt les clubs ils auront peur, du retour. Ce qui est bien, ça nous offre un football plus ouvert. Et après, c'est sûr, comme tu disais, le Barça, moi je pense pas que ce soit que mental. Je pense que c'est quand on leur rentre dedans physiquement en général que là tout de suite ils ont beaucoup plus de mal. On l'avait vu à la Roma l'an passé. Et là, Liverpool, c'est ce qu'ils ont fait, hein, aussi avec l'impact physique d'entrée de jeu. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le dessus. Après, on pourrait parler aussi de la défense du Barça. Alors que là, on n'était pas d'accord, mais avec Romain, où tu voyais une défense du Barça vraiment forte. Bon, là, ça me dessert sur ce coup-là, hein, mais moi, je voyais une défense du Barça vraiment... Meilleure, en tout cas. Oui, précédemment. Ouais. Oui, je voyais vraiment une défense du Barça qui était tout de même à la peine. Alors, tu connais mieux la Liga que moi, donc c'est peut-être sur le championnat espagnol, c'est vrai que c'est plus facile. Mais on voyait déjà les faiblesses auparavant. On voyait surtout un Barça avec beaucoup d'efficacité. Mais j'étais pas étonné de voir autant de buts quand même de la part de Liverpool à Anfield. De là, ce que le Barça ne marque pas, par contre, là c'est autre chose, par contre. Ouais, je vais dans ton sens sur le fait que le Barça ne mette pas de but. Ça a été ma première surprise. Même lorsque Liverpool, bon, je me suis mis quand même à y croire pour eux, a mis le troisième, je me suis dit c'est pas possible, le Barça va bien mettre un but à Anfield avec les qualités offensives qu'on lui connaît. Après, défensivement, c'est vrai que la semaine dernière, ça me donne absolument pas raison, mais de toute manière, je donnais pas de chance à Liverpool et finalement, je suis ravi, vous en doutez bien, qu'il m'ait aussi agréablement surpris, les Reds. Mais je pense qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe défensivement, mais qu'il y a dans certains matchs, cette équipe qui perd totalement ses moyens, qui se retrouve assez coupée en deux, avec un milieu de terrain qui n'a vraiment pas été à la hauteur aussi, il faut le dire, sur la demi-finale retour contre Liverpool. Liverpool qui, de son côté, a de grandes qualités dans son milieu, même en l'absence aussi, de Keita, des grandes qualités athlétiques qui font très mal au Barça, et où, sur ce point-là, effectivement, hormis contre une équipe comme l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a moins l'occasion d'être mis à défaut. Après, moi, quand je vois les individualités défensives de Barcelone, normalement, ils sont en mesure de nous prouver vraiment autre chose que ce qu'ils ont proposé sur le match retour. Peut-être que moi, je les voyais un petit peu trop forts, ça c'est possible. Après, je pense qu'ils n'ont vraiment pas montré leur visage et que cette équipe a failli, tant physiquement, pour des raisons de ce côté-là que je m'explique moyennement, que mentalement, d'une manière assez incroyable. Et on sent sans doute aussi dans cette équipe qu'il manque de leaders vraiment lorsque ça va mal. C'est-à-dire que cette équipe trouve ses leaders lorsque ça va bien. Ça va bien. Mais le meilleur exemple, j'ai l'impression que c'est Piqué. Par exemple. Quand ça va bien, le match aller, il est là, il est présent. Quand ça va mal, il n'y a plus personne derrière. Et Coutinho dans le secteur offensif. Ouais, mais Coutinho, quand ça va, quand ça va bien, bon, quand alors, ça va mal. Oui, mais quand tu dois marquer un but, tu joues à 10 avec Coutinho. C'est pas. Bon, moi, offensivement, je serais plus en mesure de dire Suarez. Parce on parle que de la défense. Aussi, oui, on parle de la défense. On parle de la défense. Le quatrième but de Liverpool, il est clairement. Ouais. Il montre clairement cette apathie défensive. Oui, c'est le but sur corner. Ouais, le but sur corner joué rapidement où il y a tout le monde qui dort, personne qui regarde. Moi, je pense qu'il montre même une limite, j'irai plus loin, du football espagnol là-dessus, et tant mieux, ça leur apprendra. Vous en parlez des fois, c'est le fait d'oublier finalement le jeu, de penser toujours à parler, à regarder ce qui se passe ailleurs. Et je pense que pour le coup, même si c'est un coup de génie, c'est quelque chose qui a été vraiment étudié par Liverpool, qu'ils ont vu qu'il fallait être attentif à ce type de situation. Ils en ont profité à merveille. C'est une erreur défensive, du coup, oui, je suis d'accord avec toi. C'est bien joué de la part de Liverpool. C'est à la fois bien joué par Liverpool, et ça montre aussi que ces équipes-là, des fois, ont vraiment la tête ailleurs sur ce type d'action. Après, voilà, quand on voit une défense centrale où il y a Piqué ou nos Français, l'Anglais ou Umtiti, c'est quand même des joueurs de qualité et de niveau normalement international, ce qu'ils n'ont pas du tout prouvé sur ce match-là. Ouais, mais il faut toujours un taulier à côté. À merveille. Il faut toujours un taulier à côté, en l'occurrence, là, les 4 Piqué coulés. Ouais. Sûr que c'est pas peut-être parler soit de l'Europa League, soit de l'autre match. Comme vous voulez. Parce que l'Ajax quand même mérite un mot. Parce qu'on a vu plus cruel. Que cette élimination à la 96e minute, parce que le but est à la 96e. C'est un peu dur, même pour par exemple un joueur comme Ziyech. Il gagne Lucas met pas le 3ème, tu te dis bon, il a fait vraiment un sacré match. Et au final, le but de Lucas, tu te dis putain, il a raté 3 occasions. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment. Le poteau, 80e, je crois. Il a 2 face à Loris qui au final sera un match de ouf. Ça a été un des défauts de l'Ajax quand même. En première mi-temps, ils ont l'occasion d'en mettre un ou deux de plus. Tottenham est vraiment pas bien. On pense même que l'Ajax va enfoncer le clou en deuxième mi-temps et Lucas qui nous sort un doublé en 3 minutes pour relancer. C'est un problème récurrent en plus, la non-efficacité de l'Ajax déjà sur les matchs précédents. Et pourtant, ils auraient pu faire encore plus mal. Hein. Pourtant, ils ont marqué 170 buts cette année. Ouais, c'est ça. Toute compétition confondue. Ce qui montre le potentiel de cette équipe, c'est qu'ils ratent beaucoup d'occasions et pour autant, leur total de buts est énorme. Donc, il faut imaginer stats d'occasions créées pour cette équipe. Il faut contrebalancer avec le championnat aussi. Ouais. On est vraiment, comme tu le disais, tombé dans l'irrationnel avec la performance de Lucas qui met un triplé, ce qu'il a fait je crois qu'une fois dans la saison et contre une équipe, sans lui faire offense, j'ai plus l'équipe en tête, mais plutôt mineure du championnat anglais. Là, il le fait sur une demi-finale retour de Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est dur, cruel, sur la compétition, bien sûr que l'Ajax ne mérite pas ce sort-là, mais par contre, sur les 10-15 dernières minutes, alors bon, vous me direz, à une minute près, ça n'arrivait pas, mais ça leur pendait au nez. Manque d'expérience cruelle du haut niveau, quoi. Il y a le manque d'expérience, et puis je les ai trouvés cramés aussi. Vraiment, j'ai senti qu'ils s'accusaient le coup. Un petit mot, messieurs, sur les demi-finales de l'Europa League, avec Chelsea qui se qualifie au tir au but en battant Francfort. 6 tirs au but à 5 ou 5 à 4, je ne sais plus. Oui, c'est anecdotique. Et Valence qui n'a pas réussi dans cette semaine de remontada à refaire son retard sur Arsenal, qui s'incline 4 buts à 2 avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une finale anglo-anglaise, 4 clubs anglais en finale sur 4, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Une question simple, quel vainqueur vous voyez parce que ces demi-finales n'ont pas été vraiment surprenantes, il n'y a pas grand-chose à dire, les favoris sont passés. Même si Francfort a fait un même bon si Francfort match. Peut mériter de bonne compétition de passer, C'est un peu le... je viens pas dire l'Ajax, mais niveau surprise, Francfort, on ne les attendait pas là, quoi. Ouais. Mais donc sur cette finale, à Bakou, 6000 places pour chaque club, c'est génial. Ouais, c'est... Compliqué à pronostiquer entre ces deux clubs londoniens. Arsenal n'a pas montré sur les dernières années de grandes facultés à gagner des compétitions. Pour autant, on pourrait dire que pour une compétition comme l'Europa League, ils ont l'entraîneur pour la gagner. Ah ben ça. Unai Emery, bien sûr, avec ils le FC Séville, qui l'a fait plusieurs fois. Très grosse saison européenne, en tout cas. Ils font une très belle saison européenne. Vraiment, eux méritent leur place indéniablement, alors que Chelsea, bien sûr, mérite sa place, mais a eu un parcours un petit peu plus chaotique et un peu plus facile. Et surtout un peu plus facile parce que Arsenal se prend Naples, Valence et encore avant ils se prennent encore un gros Rennes. Ils avaient Rennes. Rennes. Le scénario, c'est quand même une belle performance parce qu'il faut le faire le retard de 3-1. Et d'ailleurs, finalement, Rennes est l'équipe qui a le fait le plus douter Arsenal dans cette campagne européenne, ce que n'a absolument pas fait le FC Valence, pourtant sur une forte dynamique sur la double confrontation. Le duo Lacazette-Aubameyang les a tués. habitués, clairement. Ouais. À chaque fois, ils essayaient de revenir et il suffisait que Lacazette ou Aubameyang passent une contre-attaque. Ça marquait à chaque fois et ça les a vraiment sortis du match. Non, et d'ailleurs, personnellement, pour répondre à ta question, je sens quand même une vraie dynamique autour d'Arsenal, notamment sur le plan offensif. Je trouve que pour Chelsea, la fin de saison est quand même plus compliquée. Donc j'ai tendance à voir Arsenal. Surtout si le match est un petit peu ouvert. Par contre, attention, si Arsenal ne marque pas dans la première partie du match, je pense mental. Que Chelsea sera capable de, sur le plan mental, et avec un but peut-être même de raccro. J'ai l'impression qu'il y a plus de guerriers dans la tête que très rapidement. Chelsea Arsenal. Moi, je vois un 0-0, victoire de Chelsea au tir au but. c'est le risque. Ouais, bah si les attaquants d'Arsenal sont chauds, bah ça peut passer pour Arsenal. Sinon, bah c'est vrai que Chelsea semble plus prêt mentalement avec N'Golo Kanté, donc tout va bien. Ok, ce point européen. D'ailleurs, on va continuer sur le foot, comme ça on aura fini sur la course à l'Europe pour l'année prochaine cette fois-ci. On avait fait un point la semaine dernière de trois championnats. Je vais refaire un point de tous les championnats très rapidement et vous déciderez de quel championnat on va parler. La première ligue, donc, c'est bien Tottenham, les finalistes donc, européens, qui prennent la dernière place en Champions League pour l'année prochaine. Arsenal, malgré donc, la victoire contre Burnley, ira en Europa League avec Manchester United. En Liga, Valence a fait un grand pas vers la qualif en Champions League également. Victoire des Valenciens donc, à défaut de la défaite de Retafe. Retafe, longtemps quatrième et surprise de Liga qui craque un peu logiquement contre le Barça de 2-0, si je ne me trompe pas, week-end. Les deux formations sont à 58 points chacun. Valence ira donc à Valladolid, donc cher à Romain, et Retafe recevra Villarreal. La Serie A, victoire plutôt surprise tout de même de la Roma contre la Juve hier soir, 2-0. La course à l'Europe en Italie semble peut-être la plus palpitante. Si l'Inter gagne ce soir contre le Chievo, on pourra dès alors donc éliminer la Lazio de cette course à la Ligue des Champions. Néanmoins, il reste tout de même du monde. Je vous fais un petit brief très rapidement. L'Atalanta est 3ème, donc 65, Inter 63, Milan AC, donc 62, AS Roma 62, Torino 60. On va parler peut-être après. Bundesliga, on n'avait pas fait de points la semaine dernière, mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le week-end a éliminé beaucoup de monde à la Champions League. Donc Hoffenheim, Brême et quasiment Wolfsburg. Il reste donc 3 prétendants pour une place, puisque le Bayern, Dortmund et Leipzig sont déjà qualifiés. Il reste donc Mönchengladbach à 55 points, tout comme Leverkusen, même nombre de points, et Francfort à 54 exactement. Gladbach prendra donc cependant Dortmund à domicile, donc assez compliqué, sachant que la course au titre n'est pas encore jouée. Et Francfort ira au Bayern, tandis que Leverkusen, eux, iront au Hertha Berlin, qui n'a plus rien à jouer. De quel championnat vous voulez parler? On va en parler uniquement de un seul. La Bouli. Non, la Bundesliga. La Bundesliga, on n'a pas parlé la semaine dernière. Ouais, les pauvres. Allez. Parce que c'est quand même un championnat, je trouve, qui est pas joué. Ouais, ça s'est relancé. Il y a beaucoup de suspense partout, ouais. Avec le... Ils perdent le Bayern? Non. Ils font match nul contre Leipzig, je me trompe. 0-0. C'est ça. Donc ouais, c'est. On pensait que c'était terminé. Bon, je pense que c'est terminé quand même, mais il y a quand même quelque chose à jouer à la dernière journée. L'avantage pour le Bayern, je pense que c'est de recevoir. Déjà, le Francfort qui vient d'être éliminé en Coupe d'Europe, démobilisé, ils n'ont plus rien à jouer. Enfin, si, ils peuvent jouer encore la quatrième place. Hein. Francfort peuvent aller en Ligue des Champions. Ah oui, autant pour moi. C'est pour ça que ce sera un match important. D'une ligne, oui. Oui, mais oui. Enfin, ce serait un beau concours de circonstances. Il faudrait que le Bayern Leverkusen perde, que Gladbach perde. Surtout que Gladbach reçoit Dortmund, Francfort va au Bayern. Donc moi, je pense que ça pourrait profiter à Leverkusen. Leverkusen qui pourrait arriver. Moi, je pense que oui, ce sera Leverkusen qui terminera quatrième. Et puis ce serait. Ce serait pas un peu dommage de ne pas voir Francfort qui a fait une belle saison européenne aussi. Ouais, ça serait un peu les perdants malheureux quoi, entre la Ligue Europa et la Bundesliga du coup. Ils risquent de perdre aussi leur attaquant Jovic. À cause de ça. Et ce sera Sébastien Allaire qui prendra la suite. Sébastien Allaire, sous côté, non mais. Il a mis les fins. Très bon joueur. J'aimerais bien le voir dans un club de Ligue 1. Il ferait pas de mal. Ouais, c'est certain. À certains. Mais non, oui, Francfort fait une belle saison. Donc effectivement, s'ils vont pas chercher l'Europe, enfin en tout cas la Ligue des Champions, ce sera une déception pour eux parce que voilà, ils ont fait une belle campagne européenne et ils espéraient soit sans doute par le championnat, soit par la coupe d'Europe, par la Ligue Europa, aller chercher la place en Ligue des Champions avec un des meilleurs effectifs qu'ils ont eu depuis bien longtemps. Par contre, voilà, on voit aussi que c'est un championnat qui est très ouvert, où cette année il y a beaucoup d'équipes effectivement qui peuvent encore jouer l'Europe, voire même enfin deux qui se joueront le titre à la dernière journée. Et il faut pas enterrer effectivement Francfort directement contre le Bayern. Et c'est vrai que si Francfort fait le coup contre le Bayern, ça ferait une fin de championnat allemand totalement dingue. Après, à savoir effectivement qui va ressortir du lot pour aller chercher les places européennes, c'est un petit peu difficile. Confirme-moi, Jules, il reste deux matchs. Hein. D'accord. Un match. C'est la dernière journée, en tout cas, ça fait plaisir de voir en Bundesliga une course au titre jusqu'à la fin. On n'a pas l'habitude de ça. Ouais. D'habitude, le Bayern s'en va loin devant. Comme peut le faire la Juventus ou le PSG dans d'autres championnats, donc ça fait vraiment plaisir. Dommage pour Dortmund qui a vraiment eu un petit. Ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, ils avaient un petit peu d'avance. Puis sur la confrontation avec le Bayern, ils en prennent 5. Ils ont surtout vendangé dans le derby contre Schalke. Ils ont même pas vendangé, ils ont craqué. Donc on retrouverait pour vous plutôt ensuite Leverkusen en Ligue des Champions, ce qui ferait en Ligue Europa Gladbach, Francfort. Gladbach et Francfort. Ouais. Après, il faut encore voir Wolfsburg qui peut passer. Qui peut encore le faire, mais Francfort. C'est que potentiellement c'est faisable avec le nombre de points, mais il y a tellement d'équipes à dépasser. Ouais. Que c'est trop compliqué. Après, Wolfsburg peut dépasser Francfort pour la course à la Ligue Europa. La Ligue des Champions, c'est ce qui serait vraiment terrible pour Francfort, effectivement, qui se retrouverait sans compétition européenne malgré son beau parcours de cette année. Et juste un petit mot, si je peux, 30 secondes, sur Leipzig, qui est un club qui a 3 ans en Bundesliga, qui fait 2 Ligues des Champions et 1 Europa League. C'est un peu le modèle de Monaco. Leipzig a acheté des jeunes joueurs et les revendre avec une plus-value. Mais eux, contrairement à Monaco, ils ont réussi à garder quelques joueurs importants, notamment Upamecano, mais il n'a pas été très convoité, le défenseur central qui est excellent, je trouve, et qu'on verra bientôt dans un grand club, et surtout Timo Werner devant. Ou même Forsberg. Même Forsberg aussi, ouais. Ils ont quelques tauliers, puis je trouve que c'est un club qui n'est pas aimé en Allemagne, qui est détesté justement pour ce modèle, mais il mérite de quelques petites reconnaissances. D'accord, Guillaume, soit. Tu fais bien. On continue en Coupe d'Europe également, mais cette fois-ci en rugby. C'était la fin de la Coupe d'Europe en rugby, puisqu'il y avait les deux finales, le Challenge européen et. C'est ça. Et là, non, c'est plus la Hatch Cup, la Hatch Cup, c'est la Champions Cup. Champions Cup. La Champions Cup, du coup, c'était week-end de finale de Coupe d'Europe ce week-end à Newcastle, à St James Park. À défaut d'être présent en finale de Champions Cup, deux clubs français se sont affrontés vendredi soir pour se disputer cette Challenge Cup. Clermont et La Rochelle nous ont offert une très belle finale qui a vu triompher l'ASM sur le score de 36-16. Clermont, qui est clairement un habitué de Champions Cup, qui avait ciblé cette Challenge Cup après sa mauvaise saison l'an passé. Et donc, ils ont logiquement, tranquillement marché sur cette compétition tout au long de l'année. Et c'est logique qu'ils s'imposent en finale. Maintenant, ils se tournent vers le top 14. Seul ombre au tableau, la grave blessure de Morgan Parra. J'ai vu les images, c'était assez moche. qui va certainement louper qui loupe la fin de saison et certainement la Coupe du Monde, je pense. Après, en face, La Rochelle, qui a eu du mal, privé de leur leader Victor Vito. Ils ont souffert face au ballon porté et à l'expérience des Clermontois. Et voilà, ils sont pas parvenus à capitaliser sur leur temps fort pour inscrire des points, parce qu'ils ont vraiment envoyé du jeu. Ça s'est pas joué à grand chose à chaque fois, mais la précision dans ces grands matchs, dans ces finales, qui peut coûter cher. Donc maintenant, il leur reste à assurer leur qualification en phase finale, ce qui est pas encore acquis. Et je voulais voir avec vous, à votre avis, est-ce que Clermont peut faire le doublé cette saison Challenge Cup Top 14? Oui. Merci. Toi, tu dis oui. C'est oui. Compliqué. Moi, on peut dire oui, dans le sens qu'ils sont deuxième, effectivement, du championnat. qui font une saison solide, que quelque part, par rapport à d'autres saisons où ça a pu leur coûter cher, ils dominent pas outrageusement non plus le championnat. Souvent, le premier, Montpellier l'a appris l'année dernière, à ses dépens, ne gagne pas le championnat. Oui, c'est fréquent. Deuxième, donc, tu le rappelles assez souvent, je trouve, hein, pour un supporter. Pourtant, ça, j'y étais, tu sais que ça m'a fait bien mal. Mais pour Clermont, effectivement, ils sont deuxième de ce championnat. Ils sont montés en puissance progressivement aussi au fil de la saison. Je pense qu'ils ont plutôt bien géré leur effectif et leur saison, même si là ils perdent Morgan Parra. Et ce qui peut changer aussi, justement, c'est en termes d'effectifs. C'est que certes, tu n'auras pas Morgan Parra, c'est quand même une grosse perte, bien sûr, parce que c'est un leader d'équipe. Sur le plan mental, c'est un joueur très important pour cette équipe. Mais ils ont Craig Ledlow qui le remplacera au numéro 9. C'est joker de luxe. Ouais, ça va. C'est plus qu'un joker de luxe quand on sait qu'effectivement c'est le demi de mêlée et capitaine écossais historique. Donc on a un bel effectif. Et puis ils ont des joueurs clés pour faire la différence dans un top 14 où il y a des matchs des fois relativement fermés, mais où il faut trouver des espaces à l'image de Damien Penaud ou de Raka. Après, j'ai pas encore trop réfléchi personnellement à mon favori du top 14, donc je dirais pas que j'en ferai mon favori des phases finales, mais ils peuvent le faire, oui, assurément. Peut-être aussi ce qui va jouer en leur faveur cette année, c'est que justement ils sont pas trop attendus, que finalement cette Coupe d'Europe, ça va les mettre un peu en confiance aussi. Oui, saison quasi réussie, quoi. Déjà. Ouais, voilà, donc je pense qu'ils peuvent. Sauf par rapport à l'année dernière, clairement. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va mieux. Et par contre, La Rochelle, à l'inverse, c'est un peu une saison un peu délicate, on va dire. Oh, c'est pas si délicat que ça, ils sont quatrième, c'est pas mal. Ils arrivent, c'est leur première finale européenne. Qu'ils n'ont jamais atteint. Donc ils tombent contre une équipe qui a une grande expérience de l'Europe. Grande expérience de l'Europe et clairement. Clairement et des défaites aussi en finale. Clairement, dès le premier match du Challenge Cup, ils étaient formatés pour la gagner, hein, tout le monde le savait. Ouais. Et voilà, ils ont réussi à passer leur peur des finales, un peu leur blocage, pour gagner celle-là. Après, par contre, effectivement, La Rochelle a passé son test, même, je dirais, par rapport aux phases finales de top 14. Et ce qui me fait penser que, effectivement, je ne vois pas La Rochelle être finaliste du championnat cette année. Après, ça n'empêchera pas qu'ils auront fait une belle saison. Ils espèrent sans doute mieux, on verra s'ils me font mentir, d'autant plus qu'on sait que ce sera une fin de cycle avec le départ de Xavier Garbajosa, donc pour La Rochelle c'est une saison importante dans leur histoire et c'est vrai qu'il va falloir savoir concrétiser les temps forts pour pas nourrir de regrets sur d'autres matchs à enjeu, à élimination comme celui de vendredi soir. On va passer à la Champions Cup. Ouais, du coup, on ne pourra pas avoir de réaction malheureusement sur la Champions Cup. La grande Coupe d'Europe. Donc, c'était samedi. Un choc au sommet entre les Saracens et le Leinster, qui sont les deux clubs qui dominent l'Europe depuis quelques années. Ce duel a tourné en faveur des Anglais, qui, après avoir été menés 10-0 en première mi-temps, ont su revenir et faire basculer le match en leur faveur. Les Saris s'imposent 20-10 grâce à une défense de fer et un Billy Vunipola omniprésent. Donc c'est leur troisième titre européen après 2016 et 2017, ils retrouvent leur couronne. A noter qu'aucun club français n'était présent en finale, c'était plus arrivé depuis 2012. Et le dernier club français à l'avoir remporté, c'est Toulon en 2015. Ça commence à remonter. Ok, ce point sur... c'est la première fois qu'on parle plus de la petite finale que de la grande, mais en même temps, normal, on avait deux Français en petite finale de Coupe d'Europe. Merci pour ce point rugby. On va passer au tennis, puisque c'était le Masters 1000 de Madrid. Surprise ou pas surprise, tu nous le diras, mon cher Romain, sur la victoire. Ouais, surprise ou pas surprise. En tout cas, tableau très, très ouvert une nouvelle fois, mais où les membres du top 10... sont montrés quand même à la hauteur sur ce tournoi. Victoire du numéro 1 mondial Novak Djokovic face au grec Stefanos Tsitsipas en finale. Tsitsipas d'ailleurs est 7e mondial depuis ce lundi avec sa place en finale. Sur le score de 6-3-6-4, c'était dimanche donc en début de soirée. Dans ce tournoi, en demi-finale, Novak Djokovic a battu Dominic Thiem 7-6 en demi-finale, l'un des plus sérieux outsiders, on peut le dire, dans la perspective du prochain Roland-Garros. Et tombeur de Roger Federer, c'était aussi un des événements de la semaine en quart de finale pour son retour sur terre battue. Roger Federer qui participera d'ailleurs tout au long de la semaine également au tournoi de Rome pour se préparer. Ça c'est plus une surprise qu'autre chose. Ouais, c'était d'ailleurs effectivement pas forcément prévu ou attendu, lui peut-être le savait, mais tous les observateurs n'auraient pas imaginé qu'il soit de la partie à Rome. Généralement sur terre battue il est plus attaché à Rome où il va très souvent par rapport à d'autres tournois. Oui, c'est, et puis c'est par rapport à Monte Carlo, évidemment. Ouais. Mais pourtant. Ouais. Et de l'autre côté du tableau, on a donc Tsitsipas effectivement qui est arrivé jusqu'en finale et qui a été auteur d'une des sensations du tournoi, on peut le dire, en éliminant Rafael Nadal, le favori. Et le favori dans la perspective bien sûr de Roland-Garros au vu de son palmarès, faut-il le rappeler. Nadal qui a toujours pas remporté un tournoi en 2019, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Donc une finale intéressante finalement entre un des grands joueurs de ces dernières années, Novak Djokovic, qui semble revenir en forme dans la perspective de Roland Garros. On l'avait déjà cité il y a quelques semaines comme l'un des potentiels favoris bien sûr du tournoi. Est-ce que justement, je vous le demande, cette victoire face à Tsitsipas, dont on attendra la confirmation en Grand Chelem, permet d'entrevoir de belles perspectives pour Novak? Est-ce que vous en faites même le favori de Roland au vu des échecs successifs de Rafa? Ben, moi j'en fais le favori, mais par défaut en fait. Parce que bon, évidemment il gagne le tournoi, puis il semble le plus régulier sur la période terre battue, mais je trouve que ce serait par défaut parce que l'adversité est moindre que les années dernières. Ça fera un tournoi ouvert, parce qu'il est favori, mais c'est pas l'ultra favori comme Nadal a pu l'être pendant 10 ans. Mais ça fera un tournoi ouvert, mais peut-être pas comment dire, au top au niveau du jeu. Je sais pas si on aura des demi-finales en 5-7, quand il y aura, je sais pas, un petit pass Nadal en. Est-ce que les favoris, c'est pas le dernier carré de Madrid? Bah c'est, en tout cas, c'est les mecs les plus en forme. On verra, Roland, on verra s'il confirme à Rome. Parce que c'est rare quand même, deux Master 1000 en deux semaines. C'est deux tournois de haut niveau, il faut enchaîner assez vite. Mais ouais, favori par défaut, pour moi. Ouais, en tout cas, par contre, je pense effectivement, comme tu le dis, Flo, qu'on avait sans doute les quatre joueurs qu'on retrouvera d'ici à Roland-Garros. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y aura pas d'autres joueurs capables de s'immiscer dans le top 4 et donc dans les demi-finales. Ça dépendra aussi du tableau. On a parlé d'autres joueurs comme par exemple Medvedev les dernières semaines ou d'autres qui peuvent bien sûr être présents. Fonini, on voit, même s'il s'est fait sortir cette semaine, le jeune Canadien qui monte aussi au Yassim. Oui, il a pris une tôle sur Nadal quand même. Qui a pris une tôle dernièrement. Mais en tout cas, il y a toujours la Next Gen qui est là. Ouais. Et puis on le dit, le tableau est ouvert. Et puis bien sûr, Roger Federer sera une des attractions du prochain Roland-Garros. Il faudra voir comment ça se passe effectivement en 3-7 gagnants aussi. On l'avait déjà dit la semaine dernière, mais il faut le rappeler, on a tombé Rafael Nadal en 2-7 gagnants sur les trois derniers tournois, à Monte Carlo, Fognini, à Barcelone, Thiem, et donc cette fois-ci Tsitsipas. Il faudra voir effectivement si dans le cadre d'un grand chelem, c'est la même histoire. Pour l'instant, ils ne l'ont jamais fait. À Roland-Garros, ça sera de son gars. Et d'ailleurs, effectivement, petite transition facile. Wilfried. Peut-être pas Joe Wilfried, mais côté français, j'ai envie de dire toujours la soupe à la grimace. Oh là là. Gilles Simon et Lucas Pouille ont déjà été sortis hier dès leur entrée en lice au tournoi de Rome. À Madrid, Gilles Simon avait aussi été sorti au premier tour, tout comme Pierre Hugerbert. Lucas Pouille au deuxième tour à Madrid, malgré sa victoire pourtant intéressante contre Borna Koric lors de son entrée en lice dans le tournoi. Gasquet, lui, s'est fait sortir par Roger Federer. Tout comme Gaël Monfils, Roger a eu droit au rendez-vous des Français. Et effectivement, Gaël Monfils a été le plus intéressant. Mais bon, c'est peu dire. Il prend une bulle, je crois, sur le premier set 6-0. Et derrière, pour autant, il se voit effacer une balle de match face à Roger. Chez les féminines, la dernière Française a été Caroline Garcia, sortie au troisième tour face à Petra Kvitova. C'est pas mal ça. Ouais, troisième tour encore. Et donc, pour donner juste le vainqueur féminin, oui, c'est la néerlandaise Kiki Bertens qui a remporté ce tournoi en venant à bout en finale de la roumaine Simona Halep, la privant par la même occasion de la place de numéro 1 mondial. Bertens remporte ainsi le 9e titre de sa carrière, son 2e de la saison après Saint-Pétersbourg, et c'est son premier titre classé en première mandatory pour celle qui est maintenant 4e mondiale et qui sera à suivre lors du prochain Roland-Garros. Merci Romain pour ce point tennis. On repasse à Jules pour la NBA cette fois-ci. Encore une grosse semaine évidemment. Et est-ce qu'on a tous les qualifiés normalement? Oui, c'est ça. On connaît les finales de conférence depuis hier soir. On a eu droit à deux matchs 7 assez terribles au niveau du suspense et de l'engagement. Donc Portland d'abord, emmené par un grand CJ McCollum, est allé s'imposer à Denver 100 à 96. après avoir été derrière tout le match. Ils ont même été menés de 17 points en début de match, assez rapidement. Donc on peut voir que Portland se qualifie en finale de conférence. Ça faisait très longtemps qu'ils n'y étaient pas arrivés. Leur patience a été récompensée parce qu'on sait qu'ils restent sur deux sweeps consécutifs au premier tour. En 2017, ils avaient perdu 4-0 au premier tour contre les Warriors. L'année dernière, c'était contre les Pelicans. Et ils n'ont pas viré leur coach, ils n'ont pas fait de grands changements au niveau de leur effectif. Et au final, ils arrivent là cette année, ce qui est plutôt logique au vu de ce qu'ils ont montré. En plus, en face, ils vont rencontrer les Warriors. Les Warriors qui se sont qualifiés... je dirais pas dans la difficulté, ils ont été un petit peu accrochés par James Harden et les Rockets, mais un peu plus difficilement que prévu, non? Un peu plus difficilement que prévu. Après, il y a Kevin Durant qui s'est blessé, donc ça a un peu rééquilibré les forces. Et Curry s'est réveillé. C'est ça. Mais voilà, ils sont allés gagner à Houston, ils se sont évités un match 7 qui aurait pu être compliqué pour eux. La performance de Stephen Curry est exceptionnelle parce que quand même, faut le dire, il marque aucun point lors de la première mi-temps. Derrière, il dépasse les 33 points, ça, ouais. Dont 23 points dans le dernier quart-temps. Quand il se réveille, ultra clutch. Bon, il montre qu'il a été un MVP en puissance. Quand il est chaud, ça peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, les Warriors qui s'imposent 4-2 face à un James Harden un peu trop seul, qui a pas pu sauver son équipe. Donc ça, il faudra qu'il réessaye l'année prochaine pour essayer de gagner un titre. Donc le premier match de cette finale de conférence Ouest aura lieu demain soir. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois que deux frères s'affronteront en finale de conférence. Il y a Seth Curry côté Portland et Steph Curry côté Warriors. Les parents étaient indécis sur le prénom Seth, Steph, c'est ça, les deux. Ils n'ont pas choisi. Et à noter que DeMarcus Cousins pourrait peut-être revenir pour ces finales de conférence. On l'avait annoncé out jusqu'à la fin de saison. Et ça pourrait faire pencher la balance encore un peu plus. Je pense pas qu'ils en ont besoin, mais... Ça pourrait être encore un peu plus dur pour Portland. De l'autre côté, à l'Est, Milwaukee, qui finalement s'est facilement imposé contre Boston 4-1. Ils avaient perdu le premier match, Milwaukee, chez eux. Moi, le premier, je pensais que Boston, avec son expérience, allait réussir à un peu surprendre cette équipe de Milwaukee. Et finalement, Milwaukee s'est réveillé. Portland s'est aussi un peu endormi. Boston s'est un peu endormi. Et du coup, on est sur un 4-1, un 4-1 sec. Ils ont gagné 4 matchs d'affilée. Là. Et Boston ne méritait pas mieux. Ouais, voilà, Boston ne méritait pas mieux. Il semble que leur leader, Kyrie Irving, il avait un peu la tête ailleurs. Je pense qu'il partira cet été. Onyx peut-être, avec Kevin Durant. Mmh. On a entendu ça. Ça serait bien pour Onyx, ouais. Après, on a entendu aussi aux Lakers, avec LeBron, on ne sait pas encore. On parle déjà des transferts en NBA. Ouais, ça anticipe tout. Il y a des transferts 9 mois avant en NBA. Ouais. Et tout en plus lorsqu'un gars comme LeBron James ne participe pas aux playoffs. D'un coup, hop, on parle transfert. Donc Milwaukee et les Bucks, ils attendaient de connaître leur adversaire. Et hier, au bout de la nuit, c'est Toronto qui a arraché son billet pour les finales de conférence grâce à un énorme Kawhi Leonard, 41 points. Qui a inscrit le premier buzzer beater de l'histoire des match 7 en NBA. Donc un buzzer beater, c'est quand on marque, au buzzer, qu'il y a plus de temps derrière. Kawhi Leonard, pour indiquer sur la série, il tourne à 34,7 points de moyenne, 9,9 rebonds, 4 passes décisives et 54% au shoot. Donc il a tué les Sixers à lui tout seul. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal. Ils n'ont pas démérité, les Sixers. Hein. Je pense qu'ils reviendront encore plus fort l'année prochaine. Ils prennent de l'expérience. Le match a été serré tout le long. Le match a été serré. C'était vraiment un beau match à suivre. Est-ce qu'il y a des MVP spécial playoff ou... Non, il y a le MVP des finales, juste. Ouais. Faut aller en finale pour l'avoir. C'est vrai que ça serait bien de mettre un MVP des playoffs entiers plutôt que les finales. L'idée est lancée. T'appelles le président Adam Silver. Adam Silver, s'il m'écoute. L'idée est lancée. Non, je voulais dire, voilà. Toronto qui arrive à passer cette marche supplémentaire en ayant récupéré Kawhi Leonard, c'est pourquoi ils l'ont pris. Hein, c'est pourquoi ils ont échangé leur image de franchise qui était DeMar DeRozan, meilleur marqueur de l'histoire. Ils voulaient vraiment passer ce palier et pour l'instant, c'est une réussite avec Kawhi Leonard. Quand je pense au stade de Kawhi Leonard dans NBA 2K13. Ouais. Jamais j'aurais pu croire que ce mec deviendrait. C'est comme Antetokounmpo aussi en 2K13, il avait 58, je crois. Maintenant il a 98. Et maintenant on a les deux plus grandes stars de l'NBA. Et justement, je voulais voir avec vous laquelle des deux affiches vous intéresse le plus entre Portland Golden State ou Milwaukee Toronto. Pour ma part, c'est Milwaukee Toronto. pour voir ce duel justement entre Kawhi et Giannis, et qui c'est qui va réussir à aller en finale NBA. Ouais, moi je dirais plutôt comme toi, Milwaukee-Toronto. Je serais intéressé par les deux affiches parce que je suis très content pour Portland qui parviennent à retrouver la finale et que j'apprécie vraiment cette saison, et c'est vraiment depuis le départ même le duo Lillard-CJ McCollum. Je pense qu'un duel Lillard-Steph Curry, ça va quand même être intéressant. Pour autant, je vois vraiment les Golden State Warriors au-dessus, tant sur l'expérience que sur la force collective. Donc je pense que ce ne sera pas la finale de conférence la plus intéressante. Alors que de l'autre côté, on a une vraie affiche d'équipe montante, d'équipe qui passe enfin un palier, mais qui auront véritablement réussi leur saison que s'ils vont en finale de finale NBA. Sachant que c'est le premier et le deuxième de la phase régulière, que avant que Milwaukee prenne l'avantage, ils se sont tenus pendant un bon moment à une, deux victoires près, et qu'on a deux joueurs assez exceptionnels qui symbolisent bien la conférence Est cette saison, on disait, c'est Giannis Antetokounmpo qui est en train de montrer qu'il peut mériter le MVP plus que jamais, et de l'autre côté Kawhi Leonard qui est un super joueur, mais aussi derrière ces joueurs des collectifs très intéressants. Giannis est bien entouré, et j'aime beaucoup aussi Toronto avec notamment une grosse défense et leur système qui permet vraiment d'annihiler les performances adverses à l'image de ce qu'ils ont fait sur plusieurs matchs contre Joel Embiid, et je pense que ce sera vraiment intéressant de voir s'ils sont en mesure de le faire à nouveau contre Giannis. On va terminer justement avec toi Romain, on clôture ce point NBA pour parler un peu des autres sports de l'actualité en bref. On va parler un peu de cyclisme tout de même, puisqu'il y a eu le début d'un grand tour, c'est le Tour d'Italie, le Giro. Le Giro, c'est parti pour 3 semaines de course sur les routes italiennes, et c'est attaque Primoz de Valverde. Et non, il ne sera pas là. Tu vois, même quand je le dis pas moi-même. Primoz Roglic donc sera le premier maillot rose de ce Giro. C'est la première fois d'ailleurs qu'il porte le maillot rose de leader. Il a confirmé ainsi son excellente forme en remportant la première étape dans les rues de Bologne. À 28 ans, il prend la tête de ce tour, et ce n'est pas volé, sachant que sur un prologue, on n'imaginait pas de telle différence. On a les 5 grands favoris, on peut le dire, aux 5 premières places, mais Primoz Roglic a déjà fait le trou avec 19 secondes d'avance sur son premier poursuivant, Simon Yates. Complète le podium Vincenzo Nibali devant Miguel Angel Lopez et Tom Dumoulin. Concernant les autres étapes, on a eu 2 sprints pour le moment. Première victoire pour Pascal Ackermann, le jeune sprinter de l'équipe Bora. Sprint remporté devant Elia Viviani et Caleb Ewan, et deuxième sprint aujourd'hui, victoire d'Elia Viviani, et finalement non, victoire de Fernando Gaviria après le déclassement de celui-ci. C'est bataille entre Italiens. Et bataille donc, non pas entre Italiens, Gaviria. Déception effectivement pour les Italiens, par contre, sachant qu'Elia Viviani n'a toujours pas remporté une étape, et qu'il faut le rappeler, c'est le champion d'Italie. Il est Quick-Step Gaviria ? Gaviria était Quick-Step. Ah oui, il est plus. Et maintenant, il est UAE Team Emirates. Donc effectivement, ça peut te surprendre qu'il soit face à Viviani. C'est la nouveauté de cette année. Côté français, juste pour le dire, le premier français est Tony Galopin. Et Arnaud Démare, pour ses deux premiers sprints, s'est plutôt bien comporté. Il a l'air de monter petit à petit en puissance. 5e place sur le premier sprint. 2e aujourd'hui derrière Fernando Gaviria. Ok, il y a la finale aussi, non pas le hockey sur glace, hein, mais la finale de Ligue A de volley. Finale de Ligue A de volley. Oui, j'ai fait une blague très rapide. Finale de Ligue A de volley, oui, c'était ce week-end. C'était ce week-end, et c'est le Tour Volleyball, le TVB, qui s'impose à nouveau. 11e finale en 16 ans, en finale du championnat de France contre Chaumont, 6e de la phase régulière et tombeur du club de Montpellier en quart de finale. À l'issue du match 2 sur son parquet, 3-7 à 0, 25-15, 25-22, 25-12. Mais c'est lors du match aller, décidé au tie-break 3-2, que le TVB avait fait la différence, résistant au retour de Chaumont mené pourtant 2-7 à rien. Cette finale était également le dernier match en carrière du libéro du TVB Hubert Hainaut à 42 ans, l'un des plus beaux palmarès du volley français avec 29 titres, qui termine sa carrière en apothéose sur un nouveau titre de champion à la suite d'une saison tout à fait exceptionnelle, série de victoires du jamais vu pour Tours. On passe à quelques actualités sport mécanique avec le Grand Prix d'Espagne. Le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé sur le circuit de Montmelo devant son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas, et le Néerlandais Max Verstappen pour Red Bull. Les Ferrari sont à nouveau passés à côté. Vettel 4e, Charles Leclerc 5e. Pas de suspense pour le moment en Formule 1, et avec cette victoire, le champion du monde britannique reprend la tête du championnat à Valtteri Bottas dans un duel pour le titre qui risque donc de se jouer entre les deux pilotes de l'écurie aux flèches d'argent. Des progrès côté français pour Pierre Gasly qui se classe 6e et donc dernier du groupe des top teams. Romain Grosjean termine lui 10e du GP d'Espagne. En WRC Rally. En WRC, c'est l'Estonien Ott Tänak qui remporte son premier Grand Prix, son premier rallye, pardon, lapsus de la saison, le rallye du Chili. Sixième manche du championnat du monde devant le Français Sébastien Ogier. C'est la première victoire donc cette année pour le pilote Toyota. La seconde place de Sébastien Ogier lui permet quant à lui de prendre les commandes du championnat du monde au détriment de Thierry Neuville. Avec sa victoire au Chili, Tänak remonte lui à la deuxième place avec 112 points. Sébastien Loeb, qui participait à ce rallye du Chili, termine troisième. On va finir les actualités avec du sport féminin. On l'a dit, la Coupe de France féminine en foot a vu sa vainqueur. Oui, a vu. On peut dire comme ça. Leur vainqueur avec les Lyonnaises. Surprise, s'il en est, qui remporte la Coupe de France et réalise le doublé sur la scène nationale avec le championnat. Après avoir remporté le 13e titre de championne de France, les Rodaniennes ont battu Lille ce mercredi en finale de la Coupe de France 3-1, dans une belle ambiance et devant plus de 9000 spectateurs assemblés au stade Gaston Petit de Châteauroux. C'était la finale, surprenant. C'est terrible. Mais un petit peu terrible malgré tout, je trouve. Ah oui, c'est terrible de finir à Châteauroux, je te le confirme, désolé pour on pourra les Châtellerault. Castelroussin. J'étais pas loin. Et donc l'OL malgré tout, on dit ce n'est pas une surprise, mais a reconquis le titre perdu l'an dernier face au PSG 1-0 à Strasbourg pour aller chercher donc son 8e titre et confirme leur statut d'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Prochain rendez-vous pour les Lyonnaises, ce sera la finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Ce sera cette semaine, oui. Et on finit donc avec le Final Four en hand, mais en féminin, et c'était où exactement? C'était à Budapest. Ah, Budapest. J'ai cru que t'allais me poser une colle. Et défaite pour le club français. C'est dur. En demi-finale contre le club russe de Rostov pour les joueuses de Metz. Et effectivement, c'est pas forcément parce qu'on le retrouve pas dans le hand masculin, mais c'est Metz est le club emblématique. Place forte du hand féminin en France actuellement. Les Messines pourront nourrir des regrets sur cette rencontre et même sur le match pour la 3e place malheureusement, sachant qu'elles ont à nouveau perdu. C'était contre le club norvégien de Kristiansand. Kristianstad. Non, c'était Kristiansand. Justement, j'ai cru que c'était les Suédoises. Comme le club masculin de Kristianstad. C'est Kristiansand en Norvège. Donc, j'ai failli faire la même erreur que toi, vois-tu. Pas le deuxième carton, s'il vous plaît. Pourquoi elles nourriront des regrets, juste pour terminer là-dessus, parce qu'elles avaient battu Rostov déjà qu'elles ont joué en demi-finale deux fois lors de la phase de poule, ouais. Mais les Russes ont récupéré leur meilleure joueuse, Anna Vyakireva, qui a fait assez mal au Messines dans cette rencontre sur son aile. Et donc défaite pour la 3e place contre les Norvégiennes de Kristiansand. 31-30, elle termine donc 4e de la Ligue des Champions, après avoir pourtant compté 3 buts d'avance en seconde période de cette petite finale, puis mené encore 29-28 à 3 minutes de la fin. Elles devront se reconcentrer pour le championnat de France avec la finale aller contre Nice dès mercredi prochain. Très bien, merci. Et c'est Romain. C'est Gior, pardon, qui a juste remporté la finale. Oui, c'est le plus important. Qui est le grand club avec la gardienne de l'équipe de France, Amandine Lénaud. Donc, raison de plus de le dire. Ok, très bien. On va passer à notre deuxième chronique très rapidement, c'est les sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Ça va être très rapide, on va pas pouvoir trop en parler. On va commencer avec le BLMA, la finale de LFB, basket féminin bat son plein encore cette semaine, donc pour le match 3, malheureusement déjà déterminant pour nos gazelles, car il y a déjà donc deux manches à zéro pour l'ASVEL Lyon contre Montpellier, mais Lyon avait quand même l'avantage du terrain. Donc Montpellier s'est déplacé deux fois à l'extérieur. Montpellier recevra donc cette troisième rencontre demain au Palais des Sports à Lattes. À savoir que si le BLMA donc s'incline en match 3, ce sera déjà terminé de cette finale. Des défaites donc de 10 points dans ces deux premiers matchs environ dans les deux rencontres, pardon. Pas grand écart pour le BLMA, mais qui perd un peu ses classiques dans le dernier quart-temps à chaque fois à deux reprises. Est-ce que pour vous, très rapidement, une réaction, le Belema est condamné à échouer en finale cette année? Bah, je commence vraiment à le craindre. Pourtant, il y a vraiment de grosses qualités dans cette équipe. Mais je pense qu'il leur fallait vraiment accrocher un match sur le parquet de l'ASVEL. Donc où les joueuses de l'ASVEL ont joué d'ailleurs devant leur président, Tony Parker, je sais, qui était présent. Et ce qui est un peu agaçant, c'est qu'elles ont maîtrisé une bonne partie du match. Comme tu disais, elles ont vraiment craqué dans le dernier carton. Donc ça, c'est ce qui me déçoit un petit peu. Mais bon, après, l'ASVEL mérite pour le moment ces deux victoires, malgré tout elles y ont cru jusqu'au bout, et c'est les premières de la phase régulière. Après, bien sûr, on va espérer que nos gazelles retournent les rencontres et remportent leurs deux matchs du côté de Latte pour pouvoir jouer un match d'appui à Lyon et aller chercher la finale. Mais ça commence à être un petit peu ouais, ça ferait mal de reperdre encore après la désillusion en Coupe d'Europe pour les gazelles. Bon, après, peut-être qu'elles apprendront au vu de cette saison pour les saisons prochaines, mais ça ferait un gros coup sur la tête qu'elles repartent sans rien cette année. Ouais, qu'elles repartent sans rien après la belle saison qu'elles font. Après la finale européenne aussi. Mais je pense que si elles reviennent à 2-2, sur la dynamique, le troisième match. Les deux prochains matchs sont à Montpellier, en tout cas. Si elles arrivent à revenir à 2-2, je pense que ce sera plus jouable. De toute façon, c'est le seul scénario pour qu'elles gagnent. Parce que c'est comme au tennis, hein, quand on mène 2-7-0, quand on vient à 2-2, le momentum, comme on dit, est pour celui qui revient. Donc, sachant que le match 5 par contre sera à Lyon, on se raccroche à ce qu'on peut. On se raccroche à la vie. Grand L, voilà. Exactement, ça sera déjà demain pour le match 3. En espérant déjà revenir à 2-1, ça serait déjà très bien. En bref, donc dans les autres sports, le MHSC, victoire des Payadas dans la douleur contre Saint-Etienne, 1-0, par Gaëtan Laborde. Deux rouges à noter dans ce match, un rouge sévère ou non, à vous de le juger, donc de Daniel Congré et un de Cabella, enfin deux cartons jaunes pour Cabella pour Saint-Etienne, et un but sorti un peu nulle part tout de même de Gaëtan Laborde, pardon, qui sauve les siens après une petite période de disette pour lui. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas marqué, oui, mais qu'il était surtout bien moins bon. Ouais, un petit peu moins décisif. Bah, tant mieux, écoute. Ça, donc ça lui, ça fasse le déclic pour les après, il fait quand même une belle saison. C'est pas parce qu'il est bon, il est moyen sur 3-4 matchs. 11 ou 12 buts, je crois, par là. En tout cas, on commence à se rapprocher vraiment de la 5ème place. Ouais, une victoire justement qui finalement entretient l'espoir de qualification en Europa League. L'AC donc est à 4 points du MHSC alors qu'il restera 2 matchs en Ligue 1. Ouais, est-ce que ça peut le faire ou pas? Ça me semble un peu compliqué quand même. Saint-Etienne, tout de même pour l'espoir, a perdu 3 de ses cadres. Donc Cabella qui sera pas là, Kazri qui sera pas là, et un autre important que j'ai oublié, je crois que c'est Debuchy qui sera pas là pour le prochain match contre Nice. Pourquoi pas s'ils perdent encore quelques points, peut-être un match nul et Montpellier gagne. Après Nice, ça n'a pas grand-chose à jouer. Hein. On peut gagner les deux derniers. Après, Nantes, attention, Nantes est chaud en ce moment. Ouais, Nantes est chaud, mais c'est jouable contre Nantes. Et à Marseille, parce que Marseille est en perdition et totalement démobilisé, mais je vois pas Saint-Etienne ne pas prendre de points sur les deux derniers matchs non plus. Donc on a raté le coche contre Amiens, mais on a raté le coche, on l'a raté plein de fois aussi, si on part Surtout contre Amiens, bien sûr. Mais c'est vrai que dans ce sprint final, c'est contre Amiens que ça pêche. Le MRC, donc en rugby féminin, victoire et belle victoire évidemment des Coccinelles en demi-finale de top 16 contre Bayonne, 40-12. Une victoire sans réel problème tout de même qui se jouait à Auch pour ces demi-finales. L'autre demi a vu le Stade Toulousain s'imposer contre Blagnac dans ce duel toulousain. Et donc la finale tant attendue, remake de l'année dernière entre le Stade Toulousain et le MRC. Est-ce que ça peut être encore une Je sais même pas pourquoi ils font un championnat toute l'année. On le savait en début de saison que ça allait finir comme ça, que Montpellier allait arriver en finale. C'est trop facile pour elles. Enfin, après, il faut voir au niveau des réformes à faire dans ce rugby féminin, mais pour l'instant, c'est trop facile. Elles sont à leur 8e finale consécutive, je crois. Je sais plus combien de titres elles enchaînent, mais. Mais quand tu vois le foot féminin qui est encore. Surtout que généralement le foot a une avance quand même sur le rugby au niveau du développement. C'est surtout que cette année ils sont passés à deux conférences en faisant monter plus d'équipes de D2. Donc je pense que dans quelques années on verra la différence. Mais là ça fait que Montpellier a été obligé même des fois de mettre une équipe B. Elles ont quand même gagné 80-0 avec une équipe B contre certaines équipes. Bah, moi, ça perfectionne la formation. La voie vers la professionnalisation du sport, en ce moment, c'est plus les femmes, et tant mieux qu'ils deviennent professionnels, mais tu es obligé de passer par là. Elle est longue. Par les championnats, voilà. Et je sais que la deuxième équipe de Montpellier féminine aussi est en finale de son tournoi. En fédéral, ouais, contre Toulouse aussi. Ouais. C'est la même finale en fédéral unique. Allez, vive le Sud. Voilà. On finit avec une note plus négative, désolé. Le MWP Montpellier Water Polo, c'est fin de l'aventure pour le MWP en Pro A après sa défaite en deux manches contre un peu l'ogre de la saison en Water Polo Strasbourg. Défaite 11-7 dans cette deuxième manche. Une belle saison tout de même pour les pololistes. Ouais. Ah oui. Et une défaite logique tout de même face aux Alsaciens. Il restera tout de même le match de la troisième place contre Aix-en Provence, ça sera ce week-end. Voilà pour le point du sport montpelliérain. On va faire notre première pause musicale avant d'accueillir nos invités. C'est Five for Fighting avec le titre Even Knows. There's no time to waste in this famous goodbye. There's angels landing on the shore. Let the river run dry. It's Sunday in the six-day war. Smile, darling, don't be sad. Stars are gonna shine tonight. Tell me where the good men go. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier. Comme une radio libre qui chevauche ma longueur d'onde normale. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. C'était là donc Fight for Fighting avec le titre Even Though. J'ai failli oublier le titre de la semaine. On reçoit ce soir le club, alors là je vais pas me tromper, du 3MCK-UC. C'est Montpellier Méditerranée Métropole Canoë Kayak Université Club, parce que UC évidemment c'est le MUC, on les a reçus il y a la semaine dernière d'ailleurs. Et nous recevons donc Olivier Noguès, responsable de la base du 3MCKUC donc, et Baptiste Cota, donc joueur de l'équipe N1H de Kayak Polo et notamment champion de France en titre. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va, pas trop de stress, j'ai pas l'impression, hein. Je crois que c'est les moins stressés que j'ai eu depuis un petit moment. Ce soir donc de l'interview, Romain, on va parler un petit peu de la discipline, hein, notamment du kayak polo, hein. On va évoquer un petit peu autre chose juste avant, et après en deuxième partie on va parler du club, et on va finir un peu avec l'agenda, parce que j'ai vu qu'on allait parler d'un certain, je me trompe pas, c'est ça, on va parler de ça. Descente du lèse à lèse. Exactement. Un petit peu en ouverture, on parlera de ça. Ma première question, juste pouvez-vous présenter un tout petit peu à nos auditeurs, qui êtes-vous, quel est votre rôle, et surtout comment vous avez connu ces disciplines, notamment du kayak polo. Donc bonjour, moi c'est Olivier Nogue, je suis responsable du club au 3MCKUC, comme vous l'avez dit. Je travaille depuis 9 ans dans ce club. Alors comment je suis venu à pratiquer le canoë kayak, c'était il y a 25 ans à peu près, en Bretagne. Voilà, il n'y avait pas 36 000 sports à pratiquer, il y avait du foot, du kayak ou du basket. Oui. Et voilà, mon frère le pratiquait déjà, et par la force des choses, j'étais amené à essayer. Ça m'a c'est plu. Familial. Et voilà, enfin, l'activité, plus tout ce qui va autour, les valeurs, la nature, etc. Ça m'a plu, j'ai jamais lâché. C'est un peu pareil d'ailleurs, je crois que c'est pas très loin de la Bretagne. Ah ouais, j'allais le dire, je savais pas que t'étais originaire de Bretagne. On en voilà, apprend. On fait des connaissances. Ouais, moi je viens juste en dessous de la Bretagne, de Saint-Nazaire, donc dans les Pays de la Loire. Et donc j'ai commencé le canoë kayak à ma rentrée de 6e. Et là-bas, j'ai découvert du coup toutes les disciplines, dont le kayak polo. Et j'ai signé au club de Montpellier du coup en 2014. En 2014, ouais. Donc il y a un petit moment déjà. C'est ça. Voilà, ça se passe bien à Montpellier. Très très bien. On va surtout parler donc du kayak polo justement, mais vous avez aussi une section slalom, à ce que j'ai vu. Donc le slalom, si je ne me trompe pas, hein, c'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques avec un certain Tony Stanguet. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez. Et d'autres aussi. Oui, d'autres, mais bon voilà, Garbeau, c'est parce que c'est la première chose que je vois, évidemment. Tu as raison. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu notamment du slalom, mais est-ce qu'il y a des palmarès à Montpellier sur cette section-là du slalom? Slalom, ouais, c'est une activité qui est pratiquée au club depuis sa création. Il y a eu des titres, comme Brigitte Guibal, mais il y a très très longtemps, qui avait participé aux Jeux Olympiques. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas des titres aussi honorifiques, mais on a quand même, par exemple, Jérémy qui est en centre d'entraînement à Pau. Voilà, donc il fait quand même partie des meilleurs Français. J'avais vu Marlène Rio aussi, championne d'Europe en 2013 de oui, slalom. C'est donc vrai. C'est quand même déjà pas mal, ouais. Tout de même championne d'Europe. Ah, oui. J'avais oublié parce que ça commence à faire, mais. Oui, c'est vrai. Et elle pratique plus à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, jeune maman. Donc, ah oui. Voilà, en effet. Ouais. On va commencer sur cette discipline du kayak polo. Romain, parler un petit peu pour nos auditeurs qui ne savent pas, qui ne se repèrent pas un peu ce que c'est cette discipline du kayak polo. Peut-être nous la présenter un petit peu. Oui, justement, mais est-ce que déjà vous pouvez un peu nous présenter un petit peu plus cette discipline qui est méconnue parmi les disciplines du kayak, mais que je sais que moi-même j'ai eu l'occasion de pratiquer par le MUC pour qu'on puisse se situer, d'autant plus qu'il faut je me permets de le préciser, si j'ai bien compris, effectivement la discipline peut se pratiquer tant en piscine qu'en eau libre, sur du coup une eau calme, on va exactement, dire en eau calme. Voilà. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Déjà, ça se pratique voilà sur un plan d'eau calme, donc piscine, lac ou rivière comme le Lez, qui est assez calme par chez nous. Et donc on est sur un terrain d'une quarantaine de mètres de long, 25 de large. Donc c'est à peu près comme du water polo en gros dans les dimensions. Et visuellement, voilà, c'est un mélange, enfin c'est un mix avec le water polo, le handball et du coup des spécificités du kayak. On est 5 contre 5. Donc sur ce terrain, on a 3 remplaçants qui, comme au handball, on fait nos remplacements un peu quand on le désire. Il n'y a pas un nombre de remplacements désignés. Et on joue 2 fois 10 minutes. Donc c'est assez court, c'est très intense. Et donc le principe, c'est de marquer plus de buts ou d'en prendre le moins que l'adversaire. Ça dépend des philosophies. Et voilà. Et ensuite, du coup, forcément, il y a des postes qui doivent être définis, ouais. Justement. Oui, il y a des postes, définis. À la fois, quels sont les postes et puis présenter le tien. Oui. Alors, il y a des postes défensifs et offensifs. Donc, les postes défensifs, on a déjà un gardien qui, lui, du coup, a une particularité, c'est qu'il a une plus grande pagaie. Parce que, voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le but est en hauteur. Le but est situé à 2 mètres de haut du niveau de l'eau. Donc, le gardien a une plus grande pagaie, il lève sa pagaie, il est stationnaire en dessous le but, il lève sa pagaie pour essayer d'arrêter en fait les tirs des adversaires. Et devant lui, souvent, on a du coup 3 défenseurs, donc un défenseur central et 2 défenseurs latéraux. Et on a un joueur, un défenseur qui est devant cette défense, qui joue un devant et en gros qui est là pour stopper tous les tirs un peu lointains et toutes les intrusions des adversaires dans la défense. Et ensuite, sur les postes offensifs, on retrouve un peu du handball avec du coup des pivots, un ou deux souvent. Et derrière, du coup, des attaquants arrière, arrière gauche, central et arrière droit. Et le principe, en gros, est de soit faire des blocs, ou soit pour les défenseurs les attaquants extérieurs, de se lancer dans intervalles pour en fait créer des décalages dans la défense et réussir à la fin d'avoir un tireur dans une situation optimale pour marquer un but. Mmh. Est-ce qu'il y a des postes de gros frappeurs dans le kayak polo? Est-ce qu'il y a des postes où c'est généralement des personnes qui ont tendance plus à frapper Ouais, après il y a des plus d'impact. Ouais, il y a des spécificités. Par exemple, on sait que un pivot, ça va être plutôt un profil d'un gabarit assez lourd qui va voilà réussir à apporter de l'impact sur une petite distance, réussir à bouger un défenseur plutôt aussi lourd. Et on va avoir du coup des attaquants extérieurs qui vont eux avoir plutôt une amplitude de bras. Avoir des shoots plutôt puissants quand ils sont lancés fort dans la défense. Et après, tous les attributs de vision de jeu, de distribution de balles qui sont aussi pris en compte dans les postes. Justement, pour présenter un petit peu à nos auditeurs, est-ce qu'il y a des qualités qui sont propres au kayak polo et qu'on ne retrouverait pas forcément pour un kayakiste plus classique sur les disciplines de descente, de slalom? Et que vous avez dû du coup à travailler particulièrement lorsque vous êtes mis au kayak polo. Est-ce qu'on dit un kayakiste ou un poloiste? Un poloiste. On dit un poloiste, après on est aussi des kayakistes, donc on dit un slalomeur et c'est aussi un kayakiste, donc voilà. On vient forcément d'ailleurs au kayak polo par le kayak. Exactement, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait déjà avant de faire du kayak polo, on commence le kayak. Et en fait, dans le kayak polo, il y a du coup l'appréhension du bateau et de la technique bateau. Donc tout cet apprentissage-là qui commence dès le début. Et ensuite, il y a le ballon. C'est-à-dire qu'un très bon kayakiste n'est pas forcément un bon poloiste, parce que y a aussi tout cet apprentissage de ballon, technique ballon, contrôle de balle. Et inversement, il y a des poloistes qui ne sont pas très très bons navigateurs en eau plus mouvementée, parce que ce n'est pas la même technique. On va dire que, comme nous, c'est un plan d'eau calme, il y a quand même moins d'éléments extérieurs de l'eau à prendre en compte. Et du coup, voilà, on va dire que les qualités requises, c'est quand même une bonne technique bateau, mais aussi une bonne technique ballon et un physique plutôt d'endurance et d'explosivité. Et d'un point de vue technique, justement, il y a des entraînements spécifiques dans le kayak polo, il y a des techniques de kayak à maîtriser. Je sais que par exemple, j'avais eu l'occasion d'apprendre une technique qui est l'esquimotage. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr, ouais, en effet, l'esquimotage, alors qui est commun à toutes les disciplines du canoë-kayak. Mais en effet, c'est le principe de se retourner sans sortir du bateau. En fait, en kayak polo, quand on est possesseur de la balle, on a le droit d'être poussé par l'adversaire vu qu'on n'a que 5 secondes de possession. Et du coup, une fois qu'on pousse un joueur, il va pas nager à chaque fois, donc il esquimote. Donc c'est une technique avec soit le ballon, la pagaie ou les mains et un coup de rein au bon timing qui fait qu'on remonte de l'autre côté. Et voilà. C'est ça. Et ensuite, sans doute, des capacités aussi à accélérer rapidement, justement, pour certains postes clés. Bien sûr. Comme c'est un sport assez intense, comme je le disais, et assez court, hein, 2 fois 10 minutes, c'est assez court. Et en plus, on a 1 minute, je ne sais pas dit, mais pour attaquer. Okay. Enfin, pour tirer, pardon. On a 1 minute pour déclencher un tir. Et du coup, il y a beaucoup d'entraînements explosifs, d'explosivité qui sont mis en place au quotidien dans l'entraînement pour pouvoir, à chaque récupération de balle, lancer une contre-attaque. Et c'est souvent 50% des buts dans un match. C'est une récupération de balle défensive et deux ou trois joueurs qui explosent et qui partent rapidement vers le but adverse avant que la défense revienne. Est-ce qu'on joue différemment sur le plan d'eau, donc du LES par exemple, et en compétition, on en parlera peut-être tout de suite après la compétition, vous jouez à Neptune, dans une piscine donc, ouais. Est-ce qu'il y a une différence d'apprentissage? Non, il n'y a pas une grosse différence, à part que l'eau est un peu plus chaude et qu'on est moins réticent à tomber dedans. Mais non, après, c'est souvent, on va dire, nous en termes de sensation, on va dire la distance du fond de l'eau en fait. C'est-à-dire que plus il y a de fond, plus c'est agréable de pagayer. Moins il y a d'eau, plus c'est désagréable parce qu'on dit que ça colle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a des mauvaises sensations de vitesse. Donc il y a une préférence malgré tout pour pour les plans d'eau. Ouais, les plans d'eau, même en termes de paysage, c'est quand même un sport de plein air. C'est hyper agréable des fois d'être dans un paysage extérieur. La piscine, voilà, il y a des avantages, en effet, c'est chaud, on a des bonnes conditions. S'il pleut, c'est hyper agréable l'hiver. Mais c'est vrai que dès qu'il fait beau, être dehors, être sur le Lez, être dans d'autres lacs, dans d'autres plans d'eau en France, c'est aussi hyper agréable. Donc ici, le plan d'eau du Lez, c'est celui qu'il y a du côté d'Agropolis, c'est exactement, ça? Exactement, ouais. En bas du zoo lunaire. Ouais. C'est bien celui que je connais ou j'ai l'occasion de pratiquer. Mais bon, pas au même niveau, attention. Lorsqu'on allait parler tu m'aurais caché des choses. Non, moi, c'était en vacances. C'était le MUC Vacances. Tu vois. Et le club de canoë-kayak de Montpellier, bien sûr. Et donc, pour parler plutôt des compétitions maintenant, justement, vous êtes engagé en championnat de France. Ouais. Il y a donc un championnat masculin, un championnat féminin. Comment se passent les compétitions de kayak polo? J'ai cru voir que c'était certains week-ends, c'est ça? C'est dans des villes définies et les équipes se retrouvent? Exactement. En gros, cette année, la formule a un peu changé, mais on a 5 journées de championnat de France et donc de saison régulière. Et à la fin, les 8 premiers de la saison régulière iront dans une journée de play-off. Okay. Quand je dis une journée, c'est un week-end en gros, c'est samedi, dimanche. Et sur du coup un week-end de championnat, on a entre 5 et 6 matchs sur une division du coup de 14 équipes. Okay. C'est pour éviter les déplacements tous les week-ends et donc le financement, enfin forcément l'aspect budgétaire. Exactement. Est-ce que vous avez déjà pensé d'ailleurs à ne plus regrouper les week-ends et faire vraiment des déplacements ou... Le souci, c'est que c'est un match de 2 fois 10 minutes. Ouais, donc, se déplacer en Normandie ou en Bretagne, là où il y a quand même beaucoup de kayak polo, nos déplacements principaux sont dans le nord de la France. Ça ferait du coup beaucoup d'heures de route pour peu. C'est vrai, pour peu. Pour peu. Mais en effet, des fois, c'est pas une frustration, mais c'est vrai qu'on vit une saison qui est différente d'autres sports où tous les week-ends on joue. Bah là, nous, on s'est regroupé sur un week-end par mois. Après ça permet aussi d'affiner sa préparation et voilà, ça doit être frustrant quand même d'être peut-être des fois les premiers matchs ils doivent être durs quand vous reprenez. Il y a un début de saison, il y a une fin de saison qui sont forcément différentes et des fois ça laisse peu de chances de manœuvre quand on est dans un mauvais week-end. Faut réagir rapidement dans l'après-midi ou le lendemain et il n'y a pas la petite semaine pour se remettre bien à la maison, repartir et... C'est pas comme au foot, on n'a pas le temps de limoger l'entraîneur, de reprendre une note. C'est ça, ouais. C'est très compliqué. C'est pas exactement le même principe. Et donc effectivement, oui, sur les équipes du championnat de France, ensuite il y a des équipes justement qui sont aussi, j'allais dire par ici, dans le sud de la France, où la plupart des équipes justement sont dans d'autres régions. J'ai cru voir que vos poursuivants justement en championnat sont deux clubs bretons, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Guille-et-Vilaine. Ouais. En championnat de France National 1, donc la première division, le club le plus proche c'est Agen. Et ensuite, c'est Paris et c'est tous les clubs ligériens, donc des pays de la Loire, bretons, normands et Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France, pardon. Oh, pas de soucis. Je vais prendre la deuxième partie, mon cher Romain, parler un peu plus du club. Plusieurs fois championne d'Europe des clubs notamment, plusieurs fois, je ne sais pas exactement, j'ai peur de dire un mauvais chiffre, 5 fois champion de France. C'est ça. 2 fois champion d'Europe des clubs. C'est ça. Voilà, bon, c'est nickel. Mais mes sources sont bonnes. De combien de sections? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sections donc dans le club, se compose donc votre club. Et on pourra aussi peut-être parler de la section féminine. C'est quand même un peu plus rare de voir des sections féminines dans des sports un peu moins médiatisés. Ouais. Là, il y en a une et plusieurs fois primée également. Plusieurs fois championne de France aussi. Donc, combien de sections à peu près dans combien d'équipes de kayak polo? Combien d'équipes de kayak polo? Parce que j'ai vu qu'il y avait N1, N2, N3. À nous, il y a N1 homme, N1 dame, U15 et U18. D'accord, et puis aussi une section féminine. Vers où se situe-t-elle à peu près en ce moment? Est-ce qu'elles sont bien classées aussi? Elles sont bien classées, il me semble qu'elles sont leaders du championnat. Elles jouaient aussi en même temps que nous ce week-end. D'accord. Et elles aussi, on a des objectifs assez communs, c'est-à-dire de remporter le championnat et de se qualifier pour la Coupe d'Europe des clubs et réussir à glaner le titre. C'est vraiment l'objectif, la Coupe d'Europe, se qualifier et surtout gagner. Reprendre son titre à chaque fois, c'est pas compliqué? Si, c'est compliqué. Est-ce que des fois, c'est pas mieux être outsider des fois? Je sais pas, peut-être, mais on commence à l'être, nous, outsider, vu que ça fait quand même quelques années qu'on se qualifie et qu'on perd soit en finale, soit avant. Et du coup, notre effectif a évolué aussi chez les hommes. Et on a aujourd'hui une équipe avec plus de joueurs, mais du coup, un niveau un peu plus hétérogène pour l'instant. Même si, bon, on a quand même des bonnes ambitions et on le voit en championnat de France, on est toujours leader. Donc, on a quand même un bon niveau et on compte bien y aller en étant compétitif. Juste, je me permets. Un point devant le deuxième, je crois, classement de la N1H. Devant un club breton, du coup. Devant un club breton, oui. Exactement. Assigné. Ouais. C'est ça. Et Saint-Grégoire, troisième. Exactement, dans le Drenne. On suit. Je me permettais une petite question. C'est tant qu'on était sur le championnat d'Europe, du coup, comment ça se passe pour être qualifié en championnat d'Europe? C'est le champion de France qui se qualifie? Ouais, en fait, il y a, donc, comme la formule a changé cette année avec les playoffs, mais il y a du coup le champion de France et le premier de la saison régulière qui est qualifié automatiquement. Et si jamais le premier de la saison régulière gagne les playoffs, c'est le finaliste des playoffs qui sera automatiquement qualifié en Coupe d'Europe des clubs. Et cette année, la Coupe d'Europe, c'est à Coimbra, au Portugal? Alors non, ouais, en fait, non. Alors ça, c'est Coimbra, c'est le championnat d'Europe des nations. Exactement. Okay. Donc ça, c'est Coupe d'Europe nationale, enfin l'équipe nationale. Et cette année, du coup C'est à Catania, en Sicile. D'accord, bon ça va, c'est pas trop mal. Aussi, ouais. C'est mieux que les Hauts-de-France. Hein. Et du coup, les ambitions donc, pour l'Europe? Les ambitions pour l'Europe, elles sont d'aller récupérer la Coupe, voilà, qu'on n'a pas depuis 2013. Donc, bon, ça va, quand même. Et ça se passe sur quelle période du coup, ces championnats d'Europe? C'est début septembre. Ok. Et pendant l'été, vous avez aussi des week-ends de championnat? Et pendant l'été, alors la journée des playoffs, c'est la dernière, et elle est début juillet. Ok. Et ensuite, de juillet à août, c'est on va dire la période internationale, où du coup il y a la préparation et les championnats d'Europe à Coimbra, qui sont la dernière semaine d'août. Ah ouais, ça fait un sacré programme. Ça fait des saisons en fait assez condensées entre février et septembre, où là on a tout le gros de notre saison, et après c'est la trêve hivernale où on fait que de l'entraînement. Concernant aussi la formation, les jeunes, Olivier, si je ne me trompe pas, vous êtes aussi responsable de l'école de Paguet au club. Quelles sont les ambitions aussi du club en ce qui concerne la jeunesse? Je vois que, est-ce qu'on forme beaucoup à Montpellier? Oui, on forme beaucoup. On a deux écoles de Paguet jeunes, l'école de Paguet Kayak Kids, qui date de 2 ans. Donc Kayak Kids, c'est les 8-10 ans. Et pour ça, le club a investi dans du matériel adapté pour des enfants de cet âge-là, quoi. Des kayaks un peu plus petits, des pagaies un peu plus petites, et un créneau spécifique, ce qu'on ne faisait pas avant et ce qui n'est pas fait dans beaucoup de clubs d'ailleurs. Nous, on a parié sur le fait que voilà, il fallait quand même les chouchouter. Enfin voilà, si on voulait les garder, il fallait qu'il y ait quelque chose d'adapté pour eux. Et c'est une école de pagaies qui fonctionne. Et après, on a une école de pagaies ados. les objectifs qu'on a pour eux, c'est dans un premier temps, c'est tout simplement le plaisir de pagayer, voilà, de pratiquer cette discipline, de découvrir plein de choses. Nous, on leur parle pas trop de compétition au début, c'est vraiment la découverte. Puis dans le canoë-kayak, il y a plein de disciplines différentes. Il y a le kayak polo, il y a du slalom, il y a du kayak de rivière, il y a voilà, du raft, de l'hydrospeed. On peut faire plein de choses. Donc nous, on essaye de leur faire découvrir un maximum de choses. Et en gros, voilà, on consolide le bas de la pyramide sur le fait qu'ils aient plein d'expériences qui, après, plus tard, s'ils décident de se spécialiser, tout ça pourra leur permettre d'être meilleurs s'ils le souhaitent. Mmh. Et est-ce que la spécialisation phare, c'est le kayak polo ou il y a d'autres... Non, nous, les deux disciplines à haut niveau, c'est kayak polo et slalom. Donc après, c'est les jeunes qui choisissent. Mmh. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et après, il n'y a pas aussi que la compétition. On a aussi une section loisirs. Voilà, on est un club de haut niveau, mais on ne fait pas que du haut niveau. On a une grosse section loisirs, adultes. C'est un peu là où le MUC aide un petit peu dans cette section loisirs aussi, apporter peut-être d'autres personnes d'ailleurs. Oui, au club. Par le réseau et enfin, là où aide le MUC, par exemple, je reviens sur les Kayak Kids, c'est eux qui nous ont permis d'acheter nos kayaks pour les Kayak Kids, par exemple. Oui, en effet, c'est non négligeable. Est-ce que ça prouve un peu la bonne santé d'avoir des formations en kayak du club? Est-ce que ça prouve un peu cette bonne santé du club et son envie d'aller plus loin, quoi, dans l'avenir? Oui, évidemment. On a nos écoles de pagaie, mais après, on fait pas que ça non plus. On a aussi du public scolaire qu'on a toute l'année avec des classes sportives, classe nature avec le lycée Agropolis, et après, des cycles EPS qu'on fait avec différents établissements. Fait que sur l'année, on a environ 300 jeunes qui viennent pagayer chez nous. On va parler, parce qu'on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, de la nature, de ce côté un peu nature du kayak polo. Il y a un événement donc, qui a lieu le 25 et 26 mai prochain, c'est la descente du Lez à Lez. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de cet événement? Alors, la descente du Lez à Lez, c'est donc les 25 et 26 mai. Le... Beau jeu de mots d'ailleurs. Oui. Alors, je vais l'expliquer parce que je vais vous en parler. Des heures de travail. C'est à Lez-Besse. Besse, c'est un hommage à un ancien salarié qui était chez nous, d'accord, qui est malheureusement décédé. Et c'était une façon de lui rendre hommage avec ce nom. D'accord. Ouais. Voilà. Bel hommage d'ailleurs. Voilà. Et pour expliquer un peu plus cet événement, là, on s'est jumelé avec les Guinguettes Éphémères, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un événement assez connu sur Montpellier. Voilà, qui investit les parcs, un parc différent chaque année. Donc là, c'est au parc Méric, où ils proposent des animations pour les enfants, des concerts le soir, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est partir le matin du club en canoë et aller jusqu'au parc Méric, en descendant dans les différents barrages. Ils débarquent au parc Méric et après, ils décident de rester ou pas, de profiter de la fête. Voilà, et en plus de ça, leur fournir un petit livret du Lez, patrimoine et environnement, comme ça ils vont même apprendre des choses pendant leur descente. Excellent. Est-ce qu'il faut être un peu amoureux de la nature aussi pour faire du kayak polo ou du slalom en compétition? Je sais pas si c'est une obligation, mais c'est mieux quand même. Ouais. Ou au moins le respecter déjà. Je pense que c'est essentiel. En tout cas, c'est un sport où on est peut-être plus sensibilisé que sur d'autres. Enfin, je veux dire, comme tous les sports finalement de nature. Ouais. Bah, après, c'est notre terrain de jeu, donc on est forcément. On voit ce qui se passe dans la rivière. S'il y a de la pollution, si on est dans notre kayak, on voit des bouteilles en plastique passer. Plus sensibilisé. Voilà, ça ne fait pas plaisir non plus. Donc on fait aussi des actions de nettoyage des rivières ou même des abords de rivière. Donc oui, on est sensibilisé par la force des choses. Ouais. On va terminer cette mini-partie donc juste par un point équipe de France tout de même. On va repasser au kayak polo. En 2012-2013, vous êtes champion du monde des clubs, moins de 21. C'était à Poznan, en Pologne. De beaux souvenirs, j'en suis sûr. Comment se passe votre aventure avec les Bleus? Comment ça se passe un peu votre développement? Est-ce que des poloïstes comme... je sais qu'il y a Patrice Bela, donc... qui fait de l'équipe de France. Vous êtes aussi dans cette progression vers l'équipe de France, cette fois-ci, senior. Ouais. Alors, en effet, moi, j'étais en équipe de France pendant 21 ans, de 2012 à 2014. Et j'ai intégré les seniors en 2015 et j'y suis encore aujourd'hui. Et en effet, j'ai beaucoup de mes camarades, enfin de mes coéquipiers en équipe de Montpellier qui sont ou qui étaient en équipe de France senior et moins 21 avec moi. Et donc, que dire de plus? Ça se passe bien, on voit des beaux paysages. On voit des beaux paysages. Ça va après. À Coimbra. C'est ça, on va voilà, au Portugal, on est au Canada en août dernier. Donc on voyage, après on fait pas que ça pour le voyage, on essaie quand même de gagner. Mais, Sûr. Est-ce que tu seras dès lors donc, au Portugal? On n'a pas encore les sélections officielles, mais je suis encore en liste, voilà, sélectionnable. Ok, d'accord. Bon, très bien sur ce point. Équipe de France, on va finir un peu sur l'agenda du club. Surtout de savoir si certains sont intéressés par cette discipline. Est-ce qu'il y a moyen de voir déjà l'équipe jouer cette saison? Je crois pas, parce que je crois que c'est passé en février. Passé, ouais. Dans les mois qui arrivent, peut-être l'année prochaine. Je pense qu'on n'aura pas encore les calendriers, mais surtout de voir peut-être vous entraîner et peut-être même voir comment pratiquer un joueur. Comment ça se passe au club? Alors pour les voir pratiquer vos créneaux d'entraînement, ouais. C'est... Nous on a l'entraînement, on va dire, le plus intéressant, le plus visuel, ça serait le jeudi soir. C'est un entraînement un peu collectif avec du coup tous les collectifs du club. Donc de 19h à 21h à la base de la Valette, le long du Lez. Déjà vu, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est, oui, c'est vrai, c'est bien. C'est un beau cadre en plus. On peut venir un petit pique-nique au bord. Et puis, petite randonnée, petit pique-nique, ça. Puis après regarder un petit entraînement. Exactement. Et en effet, les compétitions sont passées du coup. Mais c'est souvent le premier week-end de février, on a notre tournoi international qu'on organise. D'accord. Et souvent le troisième week-end de février, c'est la... Non, le premier week-end de mars, pardon. C'est la journée N1 Homme à la piscine de Neptune. Ok. Moi, j'avais vu il y a 2-3 ans, un peu plus, c'était en mai ou quoi que ce soit, donc forcément, au soleil, ouais. je suis venu. Hein, et je vous conseille d'aller voir, parce que on en a parlé juste avant, mais ça tape quand même. Hein. Je pense que les kayaks, ils font pas figuration. Hein. D'ailleurs, ça doit bien dépenser des kayaks, ils doivent bien se rafler. Bref. C'est vrai que c'est très vivant. C'est, ça, et c'est très beau à regarder. Donc je conseille. Voilà, donc on n'a pas encore le calendrier pour l'année prochaine, je suppose, donc à peu près février, mars, c'est comme ça, on m'a dit. Sinon, on reviendra vous le dire. Oui, voilà, très bien, sinon on le dira. Hein. Et puis moi, je vous conseille, donc peut-être on viendra un jour pour regarder. Voilà, bon, merci à... Oui, tu avais peut-être une dernière question. Bah, avec avec le club de Montpellier Waterpolo, qui est pas mal classé aussi, est-ce que vous avez des liens? Notamment peut-être des entraînements, alors pas entraînements communs, mais parce que vous parliez de la gestuelle du ballon, est-ce que c'est des choses qui sont On a des liens, ils sont d'ailleurs venus tester le kayak polo en septembre l'année dernière. Ils ont été bons. Ah, ils ont été bons, ouais. Ouais, ils sont très énergiques. C'était rigolo. Et depuis, on a des petits échanges, on va les voir de temps en temps à la piscine Antigone. Après, sur le sportif, non, il n'y a pas plus d'échanges que ça, mais voilà, il y a une espèce de petit lien qui se fait comme ça, d'amitié, on va dire. Ouais, vous les croisez peut-être de temps en temps à l'entraînement aussi, parce que je crois qu'ils s'entraînent à Neptune, il me semble. Mais nous, on ne s'entraîne pas à Neptune. Enfin, ah, oui, on joue là-bas, mais on ne s'entraîne pas. Ouais, on s'en est comme des hommes dans les plans d'eau, ouais, bien froid. Au ça forge. Pas comme ces poloïstes ou waterpolos qui sont à l'eau chaude. Mais le mieux, c'est de venir tester. Il faut tester. Et justement, ouais, peut-être... Ce sera à la piscine, moi. pour terminer là-dessus, on a parlé juste, ça m'y fait penser, des entraînements, comment venir vous voir jouer, mais comment on vient tout simplement pour tester. Se renseigner et pour tester le kayak polo. Et le kayak tout court. Hein, voilà, pour tester plutôt, le kayak, eh ben, il faut se déplacer jusqu'à la Valette. Après, vous pouvez consulter notre site internet montpelliercanoe.fr. Et après, on propose différentes activités. Ça va de la location à l'animation pour des groupes de jeunes. Voilà, si par exemple vous voulez organiser une activité kayak polo avec un groupe d'amis, et ben c'est possible. On a des kayaks qui sont adaptés aussi. Voilà, c'est pas les mêmes kayaks qu'ils utilisent, sinon on serait pas très à l'aise dedans. Et nous, c'est des kayaks auto-videurs, voilà, où on risque pas de rester enfermé dedans. Et voilà, après on met un ballon au milieu de tout ça et généralement il y a la mayonnaise qui prend. Ouais. Assez vite. Très bien, je vous remercie d'Esquimote, d'être passé et d'avoir parlé de cette discipline et du club. On retient donc la date du 25 et 26 mai pour la descente à l'Esbès. On se retrouve où, à La Valette aussi pour cette descente? On se retrouve à La Valette et les inscriptions se font sur notre site internet aussi. Voilà, donc l'info est donnée. Je vous remercie et puis on espère se revoir bientôt. On passe à notre deuxième pause musicale, c'est Just a Band, Huff and Puff. Kichwa kidogo kidogo tingiza kichwa kidogo kidogo kidogo tingiza kichwa kidogo kidogo kidogo tingiza kichwa kidogo kidogo kidogo tingiza kichwa kidogo kidogo. suis Enzo. Alors me voici en présence du fameux Enzo. Oui, c'est moi. Voici l'exceptionnel et célèbre cascadeur Enzo. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas comment tu as fait pour avoir ton jingle ici en quelques mois, mais soit. Hein. Ouais, c'est quelque chose, hein, ce jingle. Mon cher Enzo, c'est à toi. Ça va devenir célèbre même dans Sport and Chill. Quoi. Ça va devenir culte même là. Bah oui, cher chroniqueur, j'ai décidé un peu d'anticiper, à l'image des Oscars, des Césars ou des trophées UNFP. Je vais déclarer la courte cérémonie du coup des Chillers 2019 ouverte. Voilà, et il fallait un générique hein, pour ça. Bon alors, j'ai... Mieux que les Oscars, quoi. On a payé beaucoup de droits d'auteur, merci. Du coup, j'ai défini avec un panel d'experts indépendants quelques catégories. Toi ? Oui, moi uniquement, du coup. Et ça concerne à la fois les sportives, les sportifs, les équipes et le chauvinisme, bien entendu, est permis dans cette cérémonie. Donc on se concentre uniquement sur l'année sportive 2018-2019, c'est-à-dire de septembre à aujourd'hui. Première catégorie de cette remise de prix, et messieurs, vous pourrez participer bien évidemment. Donc un prix qu'on n'aimerait pas trop remettre, mais c'est un peu la note négative de cette remise des prix. C'est un peu le prix du chiller précoce. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui dit chill, c'est terrible. Dit aussi parfois une saison sportive sans enjeu, c'est-à-dire aussi bah, qui se retrouve à la plage plutôt que prévu. Alors les nominés sont... Funaise. Le Paris Saint-Germain, grand favori quand même, avec une saison sans enjeu à partir du 13 mars 2019 et ce fameux match contre Manchester United. Alors en NBA, je m'aventure un peu en eau trouble, mais Jules m'aidera. Je parlerai surtout des deux équipes historiques, Chicago Bulls et Dallas Mavericks, qui ont terminé respectivement 13e de conférence Est et 14e de conférence Ouest. Donc ça devait faire pendant un petit moment, ils n'ont pas dû jouer grand-chose. Ah oui, ça fait un moment que Chicago joue plus grand-chose. Voilà. Et ensuite, Andy Murray, quand même, qui a terminé sa saison... Oh putain, tu persévères. Non, mais Andy Murray qui termine sa saison lors de l'Open d'Australie mi-janvier. Un joli ratio cette saison pour Andy. Deux défaites, une victoire. C'est beau. Eh, il est à 33%. Hein. Ouais. Pas mal, 33%. Le capouille, il est pas à 33%. C'est ce que j'allais dire. Alors bon, apparemment, quand même, ça peut changer, puisque j'ai vu... qu'il pourrait peut-être revenir pour le fameux tournoi du Queens en juin avec une wild card accordée. Et on le lui souhaite. Voilà. Et ensuite, bon, petit bonus pour le 15 de France, un 6 nations qui n'aura rien apporté à part le nom du futur sélectionneur post-Coupe du Monde. Alors, messieurs. Ils sont tout le temps nominés, non ? Oui, d'ailleurs. Alors, que pensez-vous ? C'est le prix du chiller précoce ? Je vous demande. Bah, PSG. Ouais, PSG, bah, je pense que là, PSG, quand même, ouais. On est. Ouais, je crois que là, ils gagnent tout. Quoi. On est unanime, hein, ouais. Clairement. C'est la crème de la crème. Là. Ouais, c'est sans équivoque, je pense. Hein. Non, parce qu'en plus, si t'enlèves la Ligue des Champions, leur saison, elle est terminée en août. Parce qu'en Ligue 1, ils sont champions au début, donc c'est terrible. Du coup, ils ont participé à une phase de poule cette année. Ouais, et un 8ème. Puis avec les coupes nationales. Parce qu'au 8ème retour, ils étaient déjà en claquette. Ouais, une catastrophe. Bon, deuxième catégorie, du coup, le prix du chiller surprise. Alors, un peu, c'est la personne que l'on n'attendait pas, mais qui est finalement présent. Et c'est un peu comme un son de l'été. Tu l'attends pas, mais tu danses dessus tout l'été. Un peu comme Despacito. Un peu Tribal King, quoi. Ouais. Donc, les nominés chacun sont... ses références. Chacun sa référence. L'Ajax, forcément, avec cette jolie performance en Ligue des Champions. Mais bien concurrencé par Tottenham. En finale, c'était pas forcément attendu. Clin d'œil à nos voisins, j'ai envie de donner Nîmes au handball en D1 en premier. Allô masculine. Sam. Qui finit quand même, qui va peut-être a priori finir quatrième du classement. Et on les attendait pas, je pense, à ce niveau-là. Tout à fait. Même si c'est une très bonne équipe. Je donne pas plus d'informations. Je n'ose pas. Donc t'es un vrai Montpellier. Tsitsipas en tennis, parce que sa grosse perf. Alors, bon, il était déjà un peu connu l'année dernière, mais cette année il est quand même 6ème mondial. Deux titres à Marseille et Estoril, finale à Dubaï et Madrid, et demi-finale à l'Open d'Australie. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, j'ai mis en plus Julien Alaphilippe. Alors, bon, c'est une confirmation, donc pas vraiment une surprise, mais avec ses victoires sur les courses assez mythiques, n'est-ce pas, Romain ? C'est pas volé, non ? Et sa régularité, et potentiellement le Tour de France, on sait jamais. Potentiellement. Donc, je suis leur surprise. Moi, ah, tu passes. Ouais, moi aussi, je voterai le Jésus grec. Moi, je penserais sur l'Ajax. L'Ajax. Moi, je serais. Ça fait dire deux fois le foot, mais. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Du coup, je dirais quand même l'Ajax Amsterdam parce que je les voyais vraiment pas aussi haut et c'est eux qui m'ont fait le plus vibrer dans, ah, dans le vu que c'est Flo l'animateur, c'était pas ce qui gagne. Ouais. C'est un 2-2, mais avec un. Deux points pour l'animateur. C'est déjà pas mal. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Ça me va, moi. Prix suivant, on pourrait le renommer le prix Poulidor. C'est le Chiller Loser. C'est une personne qui va perdre de la plus belle des manières, mais qu'on se rappellera de lui. Alors, j'espère qu'il y a Romain Grosjean. Ouais, mais il faut être assez bien quand même. Là, faut être proche de gagner quand même. Du coup, voilà. Il y a l'Ajax aussi. Il y a aussi l'Ajax, évidemment, qui est nominé pour cette catégorie. J'avais envie de mettre Metz au handball féminin. Bon, malheureusement, le Final Four de ce week-end. Mais bon, une sacrée performance. Et en championnat de France, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être premier. Finaliste. Bon, voilà, donc c'est quand même pas mal. On espère qu'elles vont pas perdre. Bon, à nouveau, sport féminin quand même, nos gazelles de l'AT Montpellier. Bah, on défaite en Coupe d'Europe. Et on espère pas en championnat, mais bon, ça sent quand même pas très bon. Et Liverpool. Super, c'est merde. Bah non, mais il a tellement raison. Mais c'est merde, quoi. Liverpool en championnat d'Angleterre et on l'espère pas en Ligue des Champions, mais tout est possible pour ce champion malheureux. Favoritisme. You never won anything, quoi. Ouais. Et j'avais mis aussi Simon Forcade, mais alors là c'était plus pour l'ensemble de sa carrière. C'est un peu le loser. Parce qu'il n'a pas gagné. Je pense qu'il n'a pas gagné grand chose, Simon Forcade. Et je crois qu'il n'a pas gagné une course. Simon Forcade. Simon Forcade. Ah, frérot. Et qui arrête sa carrière cette année. Ouais, sans gagner, je crois, il n'a jamais gagné. Donc voilà. Alors, messieurs. Moi je mettrais le BLM quand même. Ouais, ouais. Petite pointe Montpellier-Rennes, mais elle perd avec panache tout de même. Ouais, ben voilà, c'est unanime aussi. Pour moi, c'était le BLM. Puis ouais. On part sur 3 finales perdues en 2 ans. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ah, ouais, c'est une belle perf. Ça, c'est du Clermont-Auvergne quoi. C'est... ah, je pense que. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu y être hein, s'ils avaient perdu. Ouais, bah pour toutes les années, ils auraient pu y être. Ouais, ouais. T'inquiète pas, ils vont peut-être perdre en finale top 14. Hein. Oui, mais c'est l'année sportive pour le moment, donc BLM. Bon, et enfin, le dernier prix, le plus important, j'ai envie de dire, le chiller de l'année. C'est l'équipe ou le sportif meilleur au monde. Et donc forcément bah, il est Montpellierin, évidemment. Donc en lice hein, les gazelles de l'AT Montpellier. Bon bah on espère qu'elles vont gagner. The Hope, le rugby. J'y crois pas du tout. Et pour moi mon favori quand même, qui est l'équipe de triathlon de Montpellier, avec Cassandre Beaugrand. Petit love love. C'est que sportif ça pas que. Et Pierre Lecor qui sont champions du monde en 2018. Donc que dire. On parle pas du handball évidemment, qui sont catastrophiques, et ou d'autres sports, mais Kevin Mayer, mais ouais. Quand est-ce qu'il a été champion à Rockerman? Septembre. Ah, il peut rentrer. Et il challenge. Ouais, moi aussi j'ai pensé à lui. Je me suis dit ouais, j'ai pensé. Bah, et Andy Delors là dans tout ça. Non, mais après c'est ta chronique et donc il y est pas. Et, non mais il faut un. Ouais, c'est vrai que bon, il y a plus beaucoup de règles quand même dans cette. Dans cette belle série. De toute façon, oui. Si on accepte Kevin Mayer, moi je dirais Kevin Mayer aussi. Ouais. Mais après... si on n'accepte pas, je dis pas Kevin Mayer. Bon, on n'accepte pas. Hein, c'est comme ça. Les règles sont les règles. C'est l'équipe de triathlon. Bon, voilà. Oui. Équipe de triathlon. Avec deux records du monde. Ouais. Et Léonie Perry aussi. Deux champions du monde par record du monde. C'est vrai. Ouais. N'oublions pas. Donc on pense fort à Cassandre Beaugrand. Et à Pierre Lecor. Et elle pense qu'elle pense. Non, elle pense pas à toi. J'espère qu'elle pense à moi. C'est non. Bon, peut-être on peut remettre le générique pour terminer sur cette belle cérémonie. Allez, petit plaisir. Et clôturé magnifiquement. Oh, c'est beau. Ça, c'était une merci Enzo pour voilà. Cette chronique encore réussie hein, comme ouais. D'habitude. Ouais, je vous dis, je concurrence Alain Chabat et Edouard Baird pour les Césars l'année prochaine. Exactement. Et la revalorisation salariale, elle approche là. on va passer à l'autre point important de cette émission, c'est le quiz. Sport and chill, le quiz. Le quiz actualité ce soir. La petite musique qui fait peur pour lancer un peu les débats. On va commencer. Il y a quand même beaucoup de foot parce qu'on a quand même parlé beaucoup de foot, mais il y en a pas mal, un peu plus que d'habitude, je pense. Ah. Et on va commencer justement avec du foot. C'est quel club est redevenu champion de son pays ce week-end après de longues années sans championnat ? C'est pas l'Ajax. Merci, Adé. Non. Olympiakos. Non, c'est le Galatasaray. Pas au Thessalonique, oui, tout à fait. Correct. Correct. En Grèce, depuis combien de temps n'avait-il pas gagné le championnat tour de table ? Le pas au Thessalonique, en Grèce. Romain, d'ailleurs, vu que tu as marqué le point, c'est toi qui commences. Je vais dire 37 ans. 37 ans. Ok. Que 15 ans. 15 ans. Oui. 22 ans. 22 ans. 29. 29, c'est Romain qui marque le deuxième point. 34 ans. Oh. En 1985. Ah oui, quand même. Ça commence à faire un bail. Sacrée fête d'ailleurs. À voir les images. Oui, à voir les images. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Rapidité. Tennis. Novak Djokovic a gagné le 33e Master 1000 de sa carrière ce week-end contre Tsitsipas à Madrid. Quel est son Master 1000 favori en termes de titres? Cincinnati. Queens. Rome. Indian Wells. Madrid. Moi je connais pas. Shanghai. Toronto. Marseille. Rome. Madrid. Paris. Ce qu'on n'a pas dit. Paris. Miami. Oui, Miami. Il les aura tous. Bah oui. Avec 6 victoires. Cincinnati, c'était le moins. Avec seulement 6 victoires. Bah oui, victoire il a jamais gagné avant. Oui. C'est Federer qui l'a gagné 6 fois. Qui a dit? T'as l'air pourtant de si sûr de toi. Je suis content de mes performances de ces derniers jours. Mais en même temps, je me sens vide. Djokovic? Pas déçu, enfin un peu. Federer? Mais pas autant que d'habitude. Si je suis fatigué. Nadal? Je suis si fatigué que mon cerveau ne fonctionne plus. Tsitsipas. Tsitsipas. Oh. Si, c'est Tsitsipas, je vous rappelle. Après la défaite contre Djokovic. Exactement. On repart en foot. Rapidité, quel club avec un champion du monde est en mauvaise posture dans son pays et risque de Stuttgart, descendre. Pavard. Risque de descendre en deuxième division. Cela serait la quatrième année en D2 de ce club seulement. Stuttgart avec Benjamin Pavard. Point pour Jules. Je l'ai écouté tout à l'heure à Moscato. Qui est d'ailleurs le joueur emblématique actuellement de ce club qui devrait être champion du monde mais qui à cause des blessures ne fut pas convoqué par sa sélection? Luca Toni? Non. Stuttgart. Il devait être champion du monde. Jens Lehmann. Mais il ne l'a pas été. Il a 52 ans, Jens Lehmann. À cause des blessures. Cacao. Ah oui. Okay. Ça doit être un Allemand, ça. En 2014. Reus. Non, il est en Dortmund. Stuttgart. L'attaquant. Pizarro. Avec un nom. Italien. Italien. Et un nom espagnol. Mario Götze. Et un prénom. Mario Gomez. Mario Gomez. Putain, c'est incroyable. Il nous l'a donné. C'est à lui que je pensais. Mario Gomez, attaquant de Stuttgart, n'a pas été sélectionné en 2014 parce qu'il a été blessé. Et donc pas champion du monde. Je donne trop d'indices aussi. Je regarde souvent les matchs du championnat. Rapidité. NBA. Kawhi Leonard est monté sur le podium d'un record depuis cette nuit. Lequel? De points marqués en moyenne de points en playoff. Le plus de rebonds sur un panier. De points marqués sur une série de playoff. Le plus de points précise. Marqués sur un. Non, pas sur match. Précise, Jules. Le plus de points en match 7. Attends, précise, Jules. Le plus de points sur une opposition en playoff. Non. Sur l'ensemble des matchs d'une série. En demi-finale de conférence. Sur un match 7. Le plus de points en match 7. Sur fais l'entendre. Sur une demi-finale de conférence. Oui. Il est troisième donc sur le podium. Meilleur scoreur en demi-finale de conférence avec. Personne n'a le chiffre. 34 points de moyenne. Non mais sans le dire. Est-ce que quelqu'un a le chiffre en tout? Non. Sur les deux. Je crois l'avoir. Non, moi j'ai pas. Bon, si t'es pas sûr, on va finir avec toi. On va recommencer avec Enzo cette fois-ci. Super. Combien est-il marqué de demi en demi-finale? De points. Sur 7 matchs, hein, du coup, non? Non, c'est ça. On aurait pas pu commencer par Jules là, à la place? Bah non, du coup, on va finir avec lui. Je sais pas. Un petit 150. 150, Romain. 218. 218, Guillaume. 252. 252, Jules. 236. 236, tu as dit combien, Guillaume? 252. Faut calculer. C'est 244. 42. 243, exactement. Et ouais, c'est Jules qui est plus proche. J'étais proche, entre 30 et 40 points par match. 260 pour Kareem Abdul-Jabbar en 77 avec les Lakers. 246 pour Michael Jordan en 93 avec les Chicago Bulls, évidemment. Et il est devant LeBron James, 241 points en 2018, c'était la dernière avec Cleveland. Et Allen Iverson en 236 en 2001 avec les Sixers de Philadelphie. Ça place le joueur. Le nombre, 50. C'est un triste record. Enfin, un record, oui. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. 50. Deuxième indice, c'est passoir. Passoir. Le nombre de buts qu'a pris. Par. Le gardien de Guingamp. Le nombre de buts encaissés par l'OM cette saison. Je me chauffe. Oui, le nombre de buts encaissés par l'OM cette saison. 50 buts exactement, ça n'était pas arrivé depuis 1984-1985 d'encaisser autant de buts pour les Olympiens. J'ai fait mal, j'avais dit Thibaut Courtois. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais. Vu la saison encore un nombre, 17. 17. Nombre de victoires. Nombre de victoires de Guingamp. Non. Ah bah non. Que pas. Nombre de victoires, dont une de plus ce week-end. Donc ça ne donne pas d'hier. Hein. 17 victoires françaises en Coupe d'Europe de rugby ? Non. 17 victoires anglaises. Victoires consécutives de tours en volée. 17 victoires, dont une de plus ce week-end, en 10 participations. Cette personne a gagné 17 fois en 10 participations. 17 fois. Il n'y a qu'un. À peu près 15 sports, je pense, où il peut avoir ça. Ok. 17 participations, non. Merde. Ça s'est passé aux États-Unis et notamment à Sacramento. Et ça concerne un Slovaque. Ah, Peter Sagan. Ah ouais, mais sur le Tour de Californie. Précise. Son nombre de victoires d'étapes sur le Tour de Californie. Il a gagné 17 étapes sur Tour de Californie sur 10 participations. Peter Sagan. C'était ce week-end. Ouais. Ah ouais, il était coréen celui-là, je vous le cache pas. Et oui, du coup on peut gagner plusieurs étapes effectivement sur le même tour. Là, je croyais que c'était compliqué parce que moi je l'avais pas, mais c'est facile, vous l'avez dit. Qui est Amandine Leno? Qu'a-t-elle fait ce week-end? Championne d'Europe. La gardienne et championne d'Europe. Ah mais vous l'avez dit tout à l'heure donc. Oh non, laisse-la moi info. C'est non. Je n'aurais pas dû attention, finir je vous donne. Ouais. Je vous donne un 8 sur 10, qu'est-ce que c'est? Je note l'équipe de. Pas de Lucas, il a eu 10. Ce 8 sur 10 a commencé en 2008. Et ça s'est conclu. Évidemment, ce week-end. 8 sur 10. Enfin, le premier était en 2008. En 2008, et ce week-end, c'était le 8ème. Ça concerne un Espagnol. L'Espagnol. Et ça concerne 3 clubs. Différent. Ça fait 8 ans que c'est les trois mêmes premiers en Liga. Non. Du coup, il y a eu 2 années sans. Oui. Parce qu'il y a eu 8 sur 10. Et dernier indice, ça concerne surtout ce week-end un club qui a eu 98 points. Ah, 8ème titre de Guardiola, Guardiola sur les championnats. Ouais, je le compte. Il a perdu 2 championnats. Il a gagné 8 championnats sur 10. Pep Guardiola, les années où il a entraîné, il en a perdu en 2012 avec le Barça contre le Real qui l'a pris, et en 2017 avec City, et c'était Leicester qui avait remporté le championnat. J'avais compris. City, premier point d'Enzo, la remontada est en haut. La remontada est là. Ziop. Un qui suis-je? Il est rapide, mais là c'est dur. Il est assez dur. Je suis né le 15 octobre 1987 dans la commune de Carla. Je fais mes débuts dans ma discipline actuelle en 2004 dans mon petit pays. En 2007, je passe dans une team française. En 2008, je deviens champion de mon pays dans mon sport. Et en 2009, je passe en championnat du monde où ma meilleure place Bernal. Dans cette année-là est 20e au Portugal. Ottanak. Ottanak. C'est quoi ce nom-là? C'est le vainqueur du rallye du Chili. J'ai changé de nombreuses fois d'équipe. Et pour le moment, j'en suis à 7 victoires dans ma carrière, dont une ce week-end. J'ai terminé 2 fois sur le podium derrière des Français et des Finlandais. Je suis estonien, je suis Ottanak, vainqueur en WRC ce week-end pour la 7ème fois de sa carrière. Alors là, costaud quand même. Ouais. Ah. 16 points. Allez, on finit avec 2 grosses questions à 2 points. Bon, allez, en foot. C'est pour moi. Ça va faire un tour de table, donc ne vous pressez pas. La dernière fois que l'OM s'est imposé, toute compétition confondue contre l'OL, c'était le 4 mai 2014. Et je vous sais ce que je vais vous demander. Avec une victoire 4 buts à 2 au Vélodrome. Oh non. Je veux évidemment que vous me donnez le nom des 11 joueurs, d'un côté ou de l'autre, des remplaçants. 2014. Si vous les avez. Les remplaçants comptent, pardon. Et les coachs comptent également. Et il y a eu deux remplaçants à Lyon. Vas-y, Guillaume, tu peux prendre mon stylo. Deux remplaçants à Lyon, il y a eu trois remplaçants à Marseille. Honnêtement, c'est peut-être compliqué comme ça, mais il y a eu des grosses équipes d'un côté et d'autre. Honnêtement, si vous réfléchissez bien, je pense que vous pouvez en avoir pas mal. Donc je compte en tout, il y en a 22, 25, 27, 29, non, en tout. C'est bien en 2014. Hein. C'est bien en 2014, le 4 mai 2014. C'était il y a pile 5 ans quasiment. Victoire 4 buts à 2 au Vélodrome des Marseillais. Et Jules va commencer. Mandanda. Ouais, il faut que je reprenne un stylo pour barrer, s'il te plaît. Mandanda, non, non, c'est bon, vas-y. Mandanda, oui. Et moi j'ai eu peur, je croyais qu'il était à Crystal Palace à ce moment-là. Non, c'est... Mais non, il est bien à Marseille. Guillaume. Jérémy Morel. Oui, pas le plus facile. Donc, Romain. Franchement, c'est affreux, je suis déjà dans le doute. Je vais tenter. Cabella. Éliminé. Il y avait un gros trou de mémoire là. Ouais. Lopez. Lopez au but. Ouais, voilà, ça part de là. Jules. Lacazette. Lacazette, oui. Guillaume. André Ayou. André Ayou, oui. Enzo. Tolisso. Tolisso, oui. Umtiti. Umtiti, oui. Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena est rentré, oui. Ah, purée. Gignac. Gignac, oui. Ouais, joli. Vous avez oublié peut-être les entraîneurs, mais c'est peut-être pas la chose la plus facile. Je tente pas. C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Il reste donc 1, 2, 3, 4. Il reste beaucoup de défenseurs à Marseille. Il reste des milieux aussi, quand même pas mal. C'est donné à quasiment tous les attaquants. À Lyon, il reste quand même les milieux aussi. Benjamin Mendy. Éliminé. Guillaume. Non, il est tombé ici. Marcelo Bielsa. Éliminé. Enzo, si tu marques, gagnes, tu marques le point. Nkoulou. Nkoulou, oui. L'OM, Mandanda, Djadjedje, Diawara, Imbula qui rentre. Nkoulou, Morel, Romao, Cherou, Tovin, Valbuena, Payet, Rod Fanny, Gignac, André Ayou et l'entraîneur est Anigo. Ouf, super. L'Olympique Lyonnais. Lopez, Tolisso, Bizevac, Grenier, Umtiti, Bedimo, Mvuemba qui a marqué d'ailleurs, Gonalon, Fekir, Briand, Ferry, Lacazette, Gomis et Rémi Garde était l'entraîneur. Enzo is back. Vous en voulez pas les gars, j'ai pas mis un point. Il y avait pas MPG, Enzo is back. Je regardais plus la Ligue 1. Dernière question, deux points. Allez, c'est maintenant. On a oublié un sport pour l'instant. Le rugby. Le rugby. Un point. Non. Tour de table aussi. Clermont a gagné son troisième challenge européen ce week-end aux dépens du Stade Rochelet. Tenez-moi l'ensemble des vainqueurs de la petite Coupe d'Europe, du Challenge Cup, au rugby. Il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est le vainqueur de point précédent qui commence. Clermont. Clermont. Trois fois. Guillaume, t'as besoin de l'usage du stylo ? Non, je ne connais pas donc. Jules, Stade français ? Stade français, oui. Guillaume. Montpellier. Montpellier, oui. Worcester. Worcester. Éliminé. Sérieux ? Oh, j'étais persuadé. J'allais le dire, c'est bien, pas ça s'est bien passé avec la technique là. Désolé. J'allais le dire en Worcester, merci. Non. Tout club confondu. Tout club confondu. J'ai pas dit français ni rien. En plus, j'en avais un français. Allez, Enzo, il est 58. Tu peux maintenant. Northampton. Oui, deux fois. Ah oui. Jules. Je sais pas pourquoi j'ai voulu en donner un compliqué. Les Harlequins. Oui, trois fois. Je l'avais écrit. Guillaume, t'es pas éliminé, on est d'accord. Non, mais bientôt. Un club français, je vais dire. Il en reste 4 des clubs français. Oh, Biarritz. Oui, Biarritz. Bon, allez, tant pis. Toulouse. Non, éliminé. Jules. Qui s'abaisse pas, ça. Ouais. 3 français, 4 anglais, je crois. Si je me trompe pas. Basse. Basse, oui. Guillaume. Toulon. Éliminé. Et non, ils perdent en finale contre Biarritz. Jules qui marque les 2 points. Il y avait Bourgoin-Jallieu, voilà. Colomiers, section paloise. Les Sail Sharks en Angleterre. Ah, j'allais le dire, les Sail. London Wasps. Ah, c'est eux. Gloucester 2 fois. Ah, c'est Gloucester. Cardiff 2 fois. Et le Leinster qui a gagné 1 fois. J'en avais des noms. Hein. Putain. Oh, le Leinster. Oh, Jules qui prend. Qui prend tout le monde à la fin. 5 points et victoire de Jules. Romain 4, Guillaume et Enzo 3 chacun. C'était encore un beau quiz. Je me suis éteint sur les 2 dernières questions. Ouais, j'avoue que là, on va essayer d'aller vite. L'agenda très rapidement. On va essayer de décourter. Moi, juste samedi, Bayern Francfort, Gladbach, Dortmund, City Watford en finale de FA Cup, Lyon Barcelone en finale de Champions League féminine, le multiplex Ligue 1 avec notamment Montpellier Nantes, Monaco Amiens, TFC OM, OL Caen. Assez donc Saint-Etienne Nice et dimanche Naples Inter Milan Frosinone et la Juve recevra l'Atalanta. En tennis, est-ce que vous avez du tennis? Oui, en tennis, le Master 1000 de Rome, du coup, pour le rappeler, on va pas forcément donner les affiches, sachant qu'on n'a pas le temps. Oui. Et donc le tournoi féminin aussi de WTA de Rome tout au long de cette semaine, donc 4e gros tournoi de terre battue avant Roland Garros. Ok, en rugby. En rugby, alors c'est la 25e journée de top 14 ce week-end. On a Agen-Castres, Pau-Grenoble, Perpignan-Racing, Lyon-La Rochelle. Dimanche, on a Montpellier-Stade Français qui est très important, Bordeaux-Bègles-Toulouse et Toulon-Clermont. Et en NBA, du coup? Et en NBA, bah, c'est le début des finales de conférence. Donc, comme j'ai dit, le match 1 Portland-Golden State a lieu demain soir. Mmh. Et le match 1 entre Toronto et Milwaukee aura lieu mercredi soir. En autre sport, est-ce que tu as d'autres sports, Romain? Oui, en autre sport, bien sûr, toute la première semaine du Tour d'Italie. On aura également le Tour de Californie, on parlait de Peter Sagan côté cyclisme. Dans les autres sports restants, en MotoGP, c'est le GP de France au Mans le week-end prochain, donc le 19 mai. On a des championnats du monde pour un sport qu'on a reçu ici du Krebs, de taekwondo, championnat du monde en Grande-Bretagne du côté de Manchester, tout au long de la fin de semaine. Et également, c'était le jour, donc c'est l'occasion de le dire, le canoë kayak. On a des championnats d'Europe en eau libre en Slovénie du 15 au 19 mai. Très bien, Romain, je vais finir avec les sports montpelliérains. Mardi 14 mai, donc demain, BLMA recevra l'ASVEL pour le match 3 de finale de championnat. Samedi 18 mai, il y a 3 matchs importants, donc MWP X pour la 3e place de championnat. Le MRC reçoit la finale contre le Stade Toulousain, c'est à Tarbes. Et aussi le MHSC recevra Nantes à la Mosson. Dimanche, on l'a dit, le MHR recevra le Stade Français pour V-Hop, on espère pour le MHR. Pas de type de la semaine ni de son de la semaine cette semaine. On remercie les auditeurs de nous avoir suivis. On remercie surtout à nos invités d'être venus parler donc de kayak polo. Allez voir des vidéos de kayak polo. Allez voir des vidéos, ça vaut le détour. Et allez voir tout simplement le kayak polo, ça vaut le détour. Et remerciements aussi à mes chroniqueurs de ce soir. Remerciements infinis. Oh, c'est gentil. Bah, pas de souci. Et à la technique, à évidemment. Merci beaucoup. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec le cross-comité régional olympique et sportif pour parler un peu plus sérieux. Ce sera comme à la maison. Comme à la maison. Un peu plus sérieux de sport santé. Ce sera un peu plus sérieux que de kayak polo. Mais bon, il en faut aussi. Ah, il en faut aussi. On se quitte avec l'émission suivante. C'est d'ailleurs, je passe le bonjour à Bart qui a donné les sons de la semaine. Je passe le bonjour. On passe à l'émission suivante, c'est Modal Radio Show. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi à 19h. Salut à tous. Vamos. Bye bye.